إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله بكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الرحمن مرحبا بكم bienvenue soir nous sommes السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت بارك الله الحمد لله. Ce soir normalement on a aqida mais pour des raisons j'ai préféré faire des hadiths بإذن عز وجل car l'aqida a besoin de insan يحضر نفسه نعم il a besoin de comment dire hadar yani préparation etc. Comme j'ai beaucoup à faire j'ai préféré faire hadith yom inshallah ta'ala. Le premier hadith que je vais expliquer c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire le 2312 الله عليه وسلم قال حتى تموتوا إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. ici le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que vous ne verrez pas Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que mourir le sang coupe. On demande à l'autre Abdelilah, est-ce que le sang coupe chez toi? Abdelilah n'est pas avec nous. Voyez maintenant. Diak 59. Je t'ai enlevé le point rouge. Est-ce que le sang coupe chez toi? Voyez. Attendez, je vais essayer de... de fermer la salle et de la rouvrir. Je vais essayer, inshallah ta'ala, je vais faire ça. Est-ce qu'il se coupe toujours? Inshallah, il est bien cette fois. Il est bien. Alhamdulillah. Donc, si ça va pas, vous me le dites, inshallah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innakum lan taraw rabbakum azza wa jal hatta tamutu. Personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il meure. Naam. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont égarés et yani autrefois ils disaient que c'était possible, même peut-être maintenant il y en a, ils disent que c'est possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Yani, ça c'est trop grave. Ensuite, il y a l'antéchrist qui va venir, Messie Dajjal. Il va venir. Alors, j'arrête une seconde. Je vois avec nous la sœur Zanjabila. Marhaban bik, ma sœur. Cela fait très longtemps que on ne s'est pas vu, on ne s'est pas rencontré. J'espère que tout s'est bien passé et qu'inch'Allah ta'ala, la famille vient de s'agrandir. Bi'idnillah azza wa jal. Fa. Allah ta'ala niyubarik. Allah subhanahu wa ta'ala niyubarik. Je disais, naam, l'antéchrist qui va venir, or il va dire que je suis Allah. Il va dire que je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti. Alhamdulillah. Allah an yahfadahu wa nij'alahu mimman yahfad al-Qur'an. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nij'alahu mimman yahfad al-Qur'an wa yafqah fi sunnah ala fahm as-salaf bi idnillah ta'ala. Donc l'antéchrist, quand il viendra, il va dire que je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, alhamdoulilah, le prophète alayhi sallam nous a averti. Allah ta'ala, personne ne peut le voir jusqu'à ce qu'il meure. Naam, jusqu'à ce qu'il meure. Donc c'est quoi? C'est un grand dalil que l'antéchrist est un faux. Naam, c'est un faux. Car comment se fait-il qu'il soit Allah alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le voir. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a corrigé un hadith, il a authentifié un hadith dans Sahih Al-Jama' aussi, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les questions qu'on nous posera demain dans notre tombe, à part les trois questions من هو ربك وما هو دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم, il a dit il y a une quatrième question où on va dire aux morts, c'est-à-dire les anges vont lui dire, as-tu vu Rabbek, as-tu vu ton Seigneur, as-tu vu ton Seigneur. Et si jamais quelqu'un dit que je l'ai vu, ça veut dire que c'est vraiment grave. Naam, je voudrais dire par contre que Ahl Sunnah ou Jama'a, les gens du consensus et de la Jama'a et de la, les gens du consensus et de la Sunna disent que, contrairement aux sectes égarées, disent que il est possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le songe. Naam. Et comment qu'on le voit? On sent des choses dans le cœur. C'est pas qu'on voit comme ça, comme une image ou une photo, contrairement à ce qu'a dit Ibn Hajr al-Asqalani rahimahullah dans Fath al-Bari. Il a dit on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala des fois, par exemple, sous une forme d'un jeune, des fois une forme d'un barbu, une forme, tout ça inshallah ta'ala, ce n'est pas le plus juste. Le plus juste, c'est que on sent avec son cœur, on sent que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, est ravi de nous, on sent que Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare de belles choses, etc. Al-Sunnah ou Jama'a disent que on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le songe. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-bay'u an taradin, innama al-bay'u an taradin. Il a dit que la vente ne se fait que par consentement. Naam, la vente ne se fait que par consentement. Quand j'achète quelque chose ou bien je vends quelque chose, il faut que les deux on soit d'accord et on consente. Naam, celui qui vend et celui qui achète. Ici, tout le monde sait cela, mais j'ouvre une petite parenthèse. Des fois, des gens insistent avec le vendeur jusqu'à ce qu'il, par exemple, lui fasse descendre la valeur de la chose. Je donne un exemple. Quelqu'un vend, par exemple, supposons qu'il vende, par exemple, une armoire. Ou là qu'il vende, par exemple, je ne sais pas, un pantalon. Par exemple, il dit 10 euros. L'autre, il va lui dire, ah, 9. L'autre, il dit non, 10. 9. Et il insiste avec lui, il insiste. Moi, j'ai vu, parce que devant ma mosquée, il y a un marché. C'est pour ça que je remarque ces choses. 9. Tu ne le laisses même pas parler. Ou bien 8. Tu ne le laisses même pas donner son avis et tu prends le pantalon de sa main et on lui jette les 8 euros et on part. On dit khlas, alhamdoulilah. Tout cela, attention, tout cela, ça rentre dans le péché. Tout cela, ça rentre dans le péché. Pourquoi? Parce que il n'y a de vente et d'achat, bien sûr, que s'il y a consentement. Ici, il a demandé 10 euros. Toi, tu lui dis 9 ou bien 8. Et tu insistes, 8, 8, 8, 8. Ensuite, tu lui jettes les 8 euros sans qu'il dise oui, sans qu'il dise j'ai accepté la vente. Et tu lui prends la chose de la main, le pantalon, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il vendait, et tu dis j'ai acheté. Ça, ce n'est pas une vente, ça, tu as pris quelque chose de haram. Pourquoi? Il n'a pas consenti. Il n'a pas dit j'ai accepté. Tu as exagéré, tu as pris la chose comme ça et tu lui as jeté l'argent, ou bien tu lui as mis l'argent dans la poche et tu es parti. Ça, beaucoup de gens le font, mais ils font un péché, ils ne savent pas. Ils ont pris, en fait, ils n'ont pas pris le pantalon, mais ils ont pris un morceau de feu. Ils ont pris du feu et sont partis avec. Une autre situation qui ressemble à celle-là. Des fois, le vendeur, celui qui vend, il y a une personne qui se présente à lui qui est très respectée. Je donne un exemple. Moi qui suis imam ici, et il y a, comme j'ai dit, un marché devant moi, ce marché est collé à ma mosquée. C'est-à-dire quand je sors de ma mosquée, je trouve le marché. Tout le monde me connaît, bien sûr, puisqu'ils font la prière derrière moi. Imaginez, quand je me présente à quelqu'un pour acheter, tout le monde me respecte. Tout le monde me respecte. Non. Les ulama disent, si tu achètes de quelqu'un qui te respecte, mais qui au fond de son cœur n'a pas voulu te vendre, mais t'a seulement respecté, c'est pas permis, c'est haram. Non. Je n'ai pas le droit de profiter, puisque je suis imam, ou là je ne suis pas qui, je sais pas qui je suis. Il me respecte, tant qu'il a honte de me dire non, je voudrais telle somme, alors moi je profite. Il a dit 10, je lui donne 8. Il a honte de moi, il ne peut pas me dire ajoutez-moi 2 euros. Il a honte, il me respecte. Ça c'est haram. C'est haram. Naam. Pourquoi? Il n'y a pas de vente et d'achat sans consentement. Il faut qu'il consente et qu'il soit ravi et qu'il accepte. Ce n'est pas toi tu pars alors que il sent yani, des choses dans son cœur, etc. Et il a eu seulement honte de toi. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, tu l'as presque forcé. Tu lui as pris la chose de sa main et tu lui as jeté l'argent. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2328, hadith Hassan, bon, il a dit innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum wa man yataharra al-khayr yu'ta wa man yattaqi ash-sharr yuwaqqa. Regardez, quatre choses dans ce hadith. Premièrement, innama al-ilmu bit-ta'allum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la science venait en apprenant. Innama al-ilmu bit-ta'allum. La science vient en apprenant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il a dit demander la science est une chose obligatoire pour chaque musulman. Certains savants la ajoutent et musulmane. La science, demander la science est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Et musulmane, ça n'existe pas dans le hadith. Le hadith est faible si tu ajoutes et musulmane. Mais son sens est vrai. Car quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque musulman, la femme est aussi un musulman. Donc, elle rentre dans chaque musulman. Donc, demander la science est obligé pour chaque musulman et chaque musulmane. Naam. Obligé. Ça veut dire que celui qui n'a pas demandé le ilm, celui qui n'a pas demandé la science, celui qui n'a pas demandé la science religieuse, bien sûr, celui-là, il a fait des péchés. Celui-là, le jour du jugement dernier, si Allah Ta'ala ne lui pardonne pas, il va le faire entrer en enfer. Pourquoi? Parce que en apprenant, tu connais ton Seigneur Azzawajal et tu apprends sa sharia et tu apprends ce qu'il faut faire et bien sûr et ce qui est interdit, ce qu'il ne faut pas faire et ça. Comment connaître les choses qui sont licites de l'illicite? Comment connaître les innovations de la sunna? Comment connaître la guider de l'égarement si on n'a pas de science, si on n'a pas d'aim? Naam. Donc, le fait de demander la science est une chose obligatoire. Attention, certains gens demandent la science et ils croient que yani, il a fait quelque chose et disent hey, moi je demande la science. Naam, tu demandes la science, c'est obligatoire. Si tu ne demandes pas, tu as des péchés. Naam. Ensuite, autre chose, autre chose très importante aussi dans ce hadith, quand il a dit innamal ilmu bita'allum, la science vient en apprenant. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ce n'est pas comme disent les soufistes. Qu'est-ce qu'ils disent les soufistes? Ils disent que la science vient en craignant Allah. C'est pour ça qu'ils disent crains Allah et Allah t'apprendra. Crains Allah et Allah t'apprendra. La science vient en piété. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est pas vrai. Ça, quand quelqu'un est pieux, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. C'est sûr qu'il va comprendre beaucoup plus que celui qui n'est pas pieux. C'est pour ça que c'est sûr qu'il va mémoriser beaucoup de choses à cause de la piété qu'il a, masha'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut qu'il demande la science. Elle ne vient pas par la piété. Combien de gens sont pieux et ne connaissent pas un seul hadith? Combien de gens sont pieux, masha'Allah, ils ne sortent pas de la mosquée, ils n'arrêtent pas de dire subhanallah, alhamdulillah, mais ils ne connaissent rien dans la aqida, naam, dans les tablir, dans les tabliriyin. Il n'y a pas de gens pieux. Il y en a, c'est sûr. Les tabliriyin, connaissent-ils quelque chose dans le din? Connaissent-ils quelque chose dans la aqida? Dans les takfiriyin, il n'y a pas une personne qui est pieuse dans les takfiriyin qui cherche le paradis, etc. C'est sûr qu'il y en a. Les takfiriyun, ils ont le ilm, ils connaissent quelque chose de ce qu'a descendu Allah subhanahu wa ta'ala, ils connaissent rien. Donc la piété ne suffit pas, mais il faut demander la science. Il faut se fatiguer, il faut suer, il faut écrire, il faut noter, il faut mémoriser, il faut aller s'agenouiller devant les ulama, s'agenouiller devant eux et leur demander et endurer pour avoir le ilm. Naam. Ensuite il a dit innamal hilmu bitahallumi. Al-hilm bitahallum. Al-hilm, vous savez c'est quoi? C'est le fait par exemple de ne pas se hâter, ne pas se précipiter, de pardonner aux gens quand ils font des fautes avec nous. Comment ça vient? Il a dit innamal hilmu bitahallum. Ça vient en s'apprenant cette chose. C'est une qualité que on l'apprend, naam. Les gens font des fautes, on pardonne. Les gens font des fautes, on pardonne. On va doucement, naam. Et on commence, masha'Allah, à avoir cette qualité. Et on voit que cette qualité, masha'Allah, commence à s'ancrer dans notre cœur. C'est avec de l'entraînement, subhanallah al-azim. C'est avec de l'entraînement qu'on peut avoir des qualités pareilles, naam. ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتقي الشر يوقاه. Et quiconque essaye de récolter le bien, Allah subhanahu wa ta'ala le lui donne. Et celui qui essaye d'éviter le mal et de s'en éloigner, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'éloigne du mal. Naam. Quiconque. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. Allah ta'ala dit dans le Coran, lorsque vous avez du bien dans vos cœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala sait que vous avez du bien dans votre cœur, il vous donne le bien. Naam. Quiconque a du bien dans le cœur et veut le bien, le Seigneur lui donne le bien. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala est-il avare? Abadan. Astaghfirullah. Hachadillah. Allah subhanahu wa ta'ala, tu bouges le petit doigt, il te dit qu'est-ce que tu veux, je te donne. Tu t'approches de lui. D'un menton, il s'approche d'une coudée. Tu vas vers lui en marchant, il vient vers toi en courant, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2329. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Une seconde ici, il a dit innamal ma'u min al-ma'i. Innamal ma'u min al-ma'i. Al-ma, vous savez c'est quoi le ma? C'est l'eau. Ici il a dit l'eau de l'eau. On doit utiliser l'eau lorsqu'il y a l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire en toi? On doit utiliser l'eau lorsqu'il y a l'eau. L'eau, des fois c'est l'eau naturelle qu'on boit, et des fois dans la religion l'eau, c'est-à-dire c'est le liquide qui sort de l'homme lorsqu'il fait le rapport avec sa femme, ce qu'on appelle le sperme. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que on ne prend pas sa douche que s'il y a l'eau qui sort, ou bien qui sort de l'homme, ou bien qui sort de la femme. C'est-à-dire que autrefois, parce qu'après ça a été abrogé, autrefois, tant que l'homme, rien ne descendait de lui, il ne devait pas faire la douche. Et la femme aussi. Ensuite, ça a été abrogé par l'autre hadith qui dit, Idaltaqa al-khitanan wajaba al-ghusl. Dans le deuxième hadith, le prophète a dit, si les deux parties, khitanan, si les deux parties se rencontrent, alors on doit se laver. Et dans un autre hadith qui montre qu'est-ce que ça veut dire les deux parties qui se rencontrent, il dit, wajahadha, jahadha, jahadha, c'est-à-dire, il fait l'effort, donc, pour qu'il y ait le ghusl, le lavage majeur, il faut que les deux choses se rencontrent et que quelque chose rentre au moins juste un peu. Mais si seulement il y a le toucher, il n'y a pas de ghusl. Si seulement il y a un toucher, comme ça, il y en a, apparemment comme ça, sans que rien ne rentre, il n'y a pas de ghusl. Pourquoi? Parce qu'il a dit, idaltaqa al-khitanan. Al-khitanan, chez l'homme, c'est ce qu'on enlève lorsque on le circoncit. Lorsqu'on fait la circoncision à un homme, on lui enlève quelque chose. Cette chose, ça se trouve au début du membre de l'homme. Et la femme a aussi une chose, lorsqu'on la circoncit, si on veut lui faire la circoncision, car la femme, on peut lui faire la circoncision, et Oum Atiya faisait beaucoup la circoncision aux femmes, et vous savez que la première femme qui a été circoncise, vous savez que c'est Hajar, qui a été circoncise par Sarah, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. D'ailleurs, chez la femme, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur, mais juste, yani au début. Juste au début. Naam. Donc, si ces deux choses se rencontrent, l'homme et la femme doivent faire le rosle, même s'il n'y a rien qui est sorti. Même si c'est seulement une seconde. Pendant une seconde seulement, les deux choses se sont rencontrées, il faut que les deux aillent faire quoi? Le rosle, le lavage majeur. Regardez par exemple, subhanallah, quand on est en train de parler, de demander la science. Imaginez que quelqu'un ne connaisse pas le deuxième hadith qui a abrogé et qu'il ne connaisse que le premier hadith qui a été abrogé. Il connaît seulement le hadith de l'eau, il faut l'eau. De l'eau, il faut le rosle. Il va dire donc, c'est possible que quelqu'un fasse un rapport avec sa femme. Ensuite, s'il s'arrête au milieu, c'est-à-dire rien n'est sorti de lui, donc c'est pas la peine de prendre la douche. Il va nous dire, Alhamdoulilah, j'ai un hadith sahih qui est ici avec moi. Regardez la science, il faut connaître le hadith, quels sont les hadiths qui ont été abrogés, ensuite quel est le hadith qui a abrogé l'autre, et comme ça. Tayeb, si vous n'avez pas compris, vous me poserez inchallah la question après. Vous me poserez la question après, parce que j'ai peur que certains vont comprendre faux ensuite, ou bien ils vont pas prendre la douche, ou bien ils vont la prendre quand il faut pas la prendre. Naam. Tayeb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama an-nafaqatu was-sukna lil-mar'ati idha kana li zawjiha 'alayha ar-raj'a. Hadith 1050. Innama an-nafaqatu was-sukna lil-mar'ati idha kana li zawjiha 'alayha ar-raj'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand une femme est divorcée par son mari, naam, quand une femme est divorcée par son mari, si jamais la période de viduité se termine, classe trois fois les menstrues, ensuite elle s'est lavée. Maintenant, son mari ne l'a pas repris, donc elle est une étrangère par rapport à son mari. Maintenant, elle n'a plus quoi? Elle n'a plus ni les dépenses, ni la maison, ni l'appartement, ni la maison. C'est décevant que quelques femmes qui ne savent pas, bien sûr, ou quelques sœurs qui ne savent pas, lorsqu'elle est divorcée, elle veut prendre l'appartement. Subhanallah, qui t'a donné l'appartement? Et peut-être même va-t-elle déposer plainte chez la police. Peut-être même va-t-elle déposer plainte chez la police. Subhanallah, tu ne sais pas qu'en islam, quand la femme est divorcée, elle n'a pas la maison et que le mari n'est plus obligé de dépenser pour elle. Sauf si quoi? Sauf si elle est enceinte. Si elle est enceinte, il doit dépenser. Pourquoi? Ce n'est pas pour elle. C'est pour le bébé. Qui est son bébé? Qui est son bébé? Naam. Il est possible que la femme ait collaboré, elle a donné de l'argent avec son mari pour acheter l'appartement. Dans ce cas, bien sûr, elle prend la part de de l'appartement. C'est-à-dire, si l'appartement, par exemple, coûte 20 000 euros, elle a donné 10 000, quand elle est divorcée, elle demande les 10 000 euros de l'appartement qu'elle a donné. Bien sûr, ce n'est pas l'homme qui va prendre l'appartement tout seul. Ou bien elle lui donne les 10 000 autres, elle prend l'appartement. Naam. Mais si jamais l'appartement, c'est l'appartement de l'homme et il la divorce, maintenant c'est terminé pour elle. Elle n'a plus l'appartement car c'est son appartement à lui. Donc elle va où? Elle va chez ses parents le temps de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse une issue, qu'elle se remarie ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit: Innama ana bashar. Écoutez bien ce hadith. Innama ana bashar. Wa innakum taqtasimuna ilayya. Naam. Je suis un homme comme vous, un être humain. Un être humain. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il de plus? Il a le wahi qui descend du ciel. Sinon, il est comme nous, à part quelques particularités et caractéristiques que les gens de science connaissent. Naam. Il a dit innama ana bashar, je suis un être comme vous. Naam. Wa innakum taqtasimuna ilayya. Et des fois, vous venez vous plaindre à moi. Vous venez vous plaindre à moi. Fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'd. Et c'est possible que certains de vous, certains plaignants, ont, masha'Allah, yani, ont une façon de parler qui convainc. Ont une façon de parler qui convainc. Il a dit, فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعَ. Donc, je juge d'après ce qu'il m'a dit. Donc, je juge d'après ce que le plaignant m'a dit. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ. Quiconque, je lui donne une chose, je lui juge une chose d'après ce que j'ai entendu, alors que ce n'est pas sa chose, alors que la chose ne lui revient pas, il a dit فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَ مِنْ نَارِ. En fait, il a dit, je lui ai donné un morceau de feu. نعم. فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيَتْرَكَ. Qu'il prenne ce feu ou qu'il le laisse. Regardez, ce n'est pas tout le monde peut convaincre quand il parle. Il y a des gens qui savent parler, il y a des gens qui ne savent pas. Pas tout le monde sait très bien parler, pas tout le monde sait convaincre quand il parle, pas tout le monde sait donner des exemples, pas tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle l'avocat. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Tu le payes, il parle à ta place. Il connaît les lois, il connaît comment on parle, il connaît comment on ment. Pas tout le monde sait mentir. Il sait comment on ment, il sait comment on joue avec les mots. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut qu'il y ait des altercations entre vous, ensuite vous veniez vers moi. Il a dit, je suis un être humain comme vous, j'écoute comme vous et je juge d'après ce que vous me dites. Il a dit, mais il est possible que je me trompe. Il est possible que la chose appartienne à X et que je la donne à Y, parce que Y a bien parlé, il m'a donné des dalils, des preuves, etc., des fausses preuves bien sûr, mais moi je ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Moi je l'ai entendu parler comme ça, j'ai jugé, j'ai dit il a raison. Il a dit, mais attention, tu prends la chose et tu dis Alhamdoulilah, c'est le prophète qui me l'a donné, c'est le prophète alayhi salam qui a jugé, il ne peut pas se tromper, il est aidé par Allah, donc khlas, elle m'appartient. Alors que tu sais que dans ton cœur cette chose ne t'appartient pas, elle appartient à ton adversaire, elle appartient à l'autre. Naam. Toi tu as seulement bien parlé et l'autre ne sait pas parler, l'autre ne sait pas comment yani convaincre. Naam. C'est pour ça qu'en islam il est interdit à quelqu'un de faire avocat. Il est interdit en islam de faire avocat, sauf quoi? Premièrement, il faut que ça soit dans un pays où il y a la loi islamique. Deuxièmement, il faut qu'il ne prenne que les affaires où il n'y a pas le haram. Naam. Car l'avocat, tu tues quelqu'un, subhanallah, tu tues quelqu'un et tu vas prendre un avocat, il va venir jurer par Allah que mon client n'a pas tué. Mon client, il est sage comme une image. Mon client, c'est un agneau. Miskin, c'est un agneau. Il n'a jamais fait de mal à une mouche. Alors qu'il a tué, subhanallah. Et il va jurer et commence à faire sortir les lois. Loi numéro 128, loi numéro. Il commence, subhanallah al-azim, alors qu'il sait que cette personne a tué. Est-ce que cela, l'islam le permet-il? L'islam permet-il que tu défendes quelqu'un qui a fait le haram au lieu que tu le blâmes, au lieu que tu sois la cause pour qu'il soit châtié? Alors voilà que maintenant tu le défends et en plus de cela tu prends l'argent, mashallah, tu prends l'argent pour défendre quoi? Défendre le blâmable et défendre le mal et défendre ce qui va à l'encontre de la sharia de Allah subhanahu azza wa jal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc cela ne suffit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam juge et te donne une chose, mais encore faut-il que vraiment la chose t'appartienne. Car il peut se tromper et te dire cette chose est pour toi alors qu'elle est pour l'autre. Voilà ce que veut dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2346, il a dit innama ana lakum bimanzilati alwalid uallimukum fa idha ata ahadukum alghait falyastaqbil qibla wa layastadbirha wa layastati biyaminihi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je suis pour vous comme un père. Je suis pour vous comme un père. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Wallah, Ya Rasulallah, que tu es pour nous plus qu'un père. Plus qu'un père. Car comme disent les ulama, le père, au maximum, il t'a donné cette vie, la dunya. Il t'a donné la maison et la voiture, il t'a marié. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a montré comment adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. T'a montré comment arriver au paradis. T'a montré comment ne pas aller en enfer. Naam. Alors des fois le père, ça lui dit rien. Tu as un enfer, que tu n'ailles pas. Que tu ailles au paradis, que tu n'ailles pas, ça lui dit rien. Il t'a élevé, il t'a éduqué, alhamdoulilah. On fait des doigts à nos pères qui ont souffert à cause de nous, alhamdoulilah. Mais il ne peut jamais égaler le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore pire, il ne peut jamais le dépasser. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que lui-même il a dit, que la paix soit sur lui, il a dit que personne ne sera un vrai croyant jusqu'à ce qu'il l'aime, jusqu'à ce qu'il aime le prophète alayhi salam plus que les parents, plus que les enfants, plus que tout le monde. Naam. S'il y a quelqu'un dans la vie que tu aimes plus que le prophète sallallahu alayhi salam, tu n'es pas un vrai croyant, pas un vrai. Tu n'es pas un kafir. Tu as toujours la foi, mais ta foi n'est pas parfaite. Car Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quand il a dit au prophète sallallahu alayhi salam, yani, j'aime tout le monde, yani, sauf yani, je t'aime beaucoup plus que tout le monde, sauf yani, moi-même, sauf nafsi. Le professeur lui a dit pas encore. Il lui a pas dit tu es kafir. Il lui a dit pas encore. Yani, tu n'as pas encore atteint la perfection. Ensuite, il a dit Ya Rasulallah, la anta ahab ilayya min nas ajma'in. Tu es pour moi le meilleur que tout le monde. Il a dit l'ana ya Omar. Maintenant, ya Omar. Maintenant, tu as atteint la perfection dans la foi. Maintenant, ya Omar. Tu as atteint la perfection dans la foi. Il a dit uallimukum. Il a dit je suis pour vous comme un père. Je vous apprends. Uallimukum. Masha'Allah, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend comment, subhanallah al-azim, rentrer au paradis pour vivre éternellement au paradis et profiter des délices. Et le plus grand délice du paradis, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le sublime, le suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, le voir, na'am. Ce n'est pas facile pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te montre comment te sauver de l'enfer. Comment sauver ta peau pour ne pas aller en enfer. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Fa'ida ata ahadukum al-gha'it falyastaqbil qibla wa layastadbir wa layastati biyaminihi. Ensuite, regardez, il a dit je vous apprends. Ensuite, il a dit des choses pour certaines personnes, des choses banales. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand vous allez aux toilettes, quand vous allez faire vos besoins, ne donnez pas face à la Qibla. Ne vous mettez pas face à la Qibla. Et ne donnez pas le dos à la Qibla. Et ne vous lavez pas ou bien ne vous essuyez pas quand vous avez terminé les besoins. Ne vous lavez pas ou bien ne vous essuyez pas avec la main droite. Regardez, pour certaines personnes vont dire que subhanallah l'adhim, entrer aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait aux toilettes, tout ça ce n'est pas important. Nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est très très important. C'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il nous aime, il nous a tout montré. quand tu rentres aux toilettes, subhanallah al-azim, les toilettes, où on rentre, il te montre comment tu rentres, qu'est-ce que tu dis avant de rentrer, qu'est-ce que tu dis avant de sortir, comment tu t'assois à l'intérieur, qu'est-ce qui se fait à l'intérieur, qu'est-ce qui se fait pas, comment tu te laves, est-ce que tu dois être en face de la qibla ou tu dois pas, est-ce que c'est avec la main gauche ou avec la main droite, avec quelle chose tu peux te laver, quelle chose tu peux pas, subhanallah al-azim. L'islam qui t'apprend, il n'y a pas une chose que tu fais de ta tête. Naam. Quand tu étais avant la pratique, quand on était ou bien kafir, ou bien quand on était musulman, mais on ne pratiquait pas. Naam. Seul la salat, tout seul, je ne sais pas quoi, la salat, on la regroupe la nuit. Naam. On suivait nos passions. Maintenant que tu es pratiquant, tu ne bouges pas le petit doigt avant de demander qu'a dit Allah et qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma farratna fil kitabi min shay. Allah Ta'ala a dit, il a dit ma farratna fil kitab min shay. On n'a pas laissé une chose dans le livre sans qu'on l'ait mentionné. Il n'y a pas une chose. Non, il n'y a pas une chose. C'est pour ça qu'il y a une femme qui prétendait yani, connaître assez bien le Coran. Elle a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Elle lui a dit, vous dites que Allah ta'ala, je lis dans le Coran que Allah Ta'ala a dit ma farratna fil kitab min shay. On n'a rien laissé dans le Coran. Alors dis-moi, ya Abdullah ibn Mas'ud, où se trouve dans le Coran que celle qui s'épile les sourcils, elle va aller en enfer? Dis-moi, où se trouve ça dans le Coran? Alors que Allah Ta'ala a dit, je n'ai rien laissé dans le Coran sans le citer. Mais elle est tombée sur qui? Elle est tombée sur Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala. Il lui a dit, oui, ça existe dans le Coran. Dis-moi, subhanallah, j'ai lu tout le Coran, je n'ai pas trouvé. Dis-moi. Il a dit, je vais te montrer où ça se trouve ça. Allah Ta'ala a dit, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Il a dit, obéissez à Allah, obéissez au prophète. Il a dit, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Et ce que le prophète vous a dit de le faire, faites-le. Ce qu'il vous a dit de vous en éloigner, éloignez-vous. Il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que celle qui s'épile les sourcils, elle est maudite par Allah? Elle a dit, si. Il a dit, tu vois donc, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, suivez le prophète. Et le prophète alayhi a dit, celle qui s'épile les sourcils est maudite. Donc, Allah Ta'ala, c'est vrai qu'il a tout montré dans le Coran. Naam. Ça me rappelle aussi, quand quelqu'un a dit à quelqu'un, je crois que c'est en notre époque, il lui a dit, vous dites que dans le Coran, sur le même verset, que ma farratana fi kitab min shay, on n'a rien laissé dans le Coran sans le citer. Quelqu'un a dit à un autre, d'après, yani, c'est pas, il lui a dit, naam, Allah Ta'ala a dit qu'il n'a rien laissé dans le Coran sans le citer. Où se trouvent dans le Coran ces choses nouvelles? Le climatiseur, là, le frigo, le, je ne sais pas, toutes ces choses nouvelles. Où est-ce qu'elles sont dans le Coran? C'est comme s'il voulait, yani, subhanallah al-azim, il voulait lancer un défi. L'autre lui a dit, naam, ça se trouve dans le Coran. Le frigo, le climatiseur, tout ça se trouve. Subhanallah, où ça se trouve? Il lui a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et les bateaux qui voguent sur la mer contenant des choses qui profitent aux gens. Naam. Le bateau avec le conteneur sur lui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur? Il y a des climatiseurs, il y a des frigos, et tout ça, ce sont des choses qui profitent aux gens. Donc, elles se trouvent dans le bateau que Allah Ta'ala a cité dans le verset de la Baqara, ou le fulk, et les bateaux qui voguent. Subhanallah al-Azim. Les ulama, ils te trouvent toujours la réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Naam. Donc, quand quelqu'un rentre dans les toilettes, il essaye au maximum de n'uriner, ni de faire ses grands besoins, ni en face de la Qibla, ni en la donnant de son dos. C'est pour ça que le vrai musulman, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et il achète un morceau de terre et il fait venir l'architecte pour construire la maison, au lieu de commencer par lui dire je voudrais 30 pièces et 4 étages et 5 étages et la piscine à l'intérieur, avant de commencer par cela, qu'est-ce qu'il doit lui dire? Il doit lui dire, écoute, barakallahu fik, attention que les toilettes soient en face ou bien du dos de la Qibla. Attention, essaye de me tracer sur le plan les toilettes de façon à ce que quand on rentre dans les toilettes pour uriner ou faire autre chose, je ne serai ni en face de la Qibla ni je lui donne mon dos. Subhanallah al-Azim. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa la yastatib bi yamineh. Il est interdit pour l'homme et la femme d'essuyer ou de se laver avec la main droite. Quand on est dans les toilettes, on n'emploie que la main gauche. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Naam. Muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2350, hadith authentique, il a dit vous avez été envoyés comme des gens qui facilitent et non pas comme des gens qui yani, font des difficultés. Certes, il parlait de deux personnes qui faisaient la da'wah, bien sûr, il les a envoyés pour faire la da'wah. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans ce hadith que quand on parle avec les gens et qu'on fait la da'wah aux gens, on doit faciliter au maximum tant que il y a possibilité de faciliter. Je ne facilite pas, c'est-à-dire je vais lui dire l'alcool est permis. Naam, l'alcool c'est permis. Bois l'alcool, après inchallah on verra. Non, l'alcool c'est haram. Mais quand il y a des choses où je peux faciliter et aller avec lui doucement, je vais doucement. Regardez, écoutez, barakallahu fikoum. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne sa religion. Regardez, imaginez dans ce hadith sahih, authentifié par Sheikh Al-Albani, où il a dit dans Sahih Al-Jami' qu'une personne est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit je ne rentre en islam qu'à une condition. Il lui a dit quelle condition? Il lui a dit je ne rentre en islam qu'à une seule condition. Je ne fais que deux prières. Je ne fais pas cinq comme tout le monde. Je ne fais pas subh, dhuhr, asr, maghrib, isha. Je ne fais pas. Je fais seulement deux. Je ne sais pas. Peut-être c'est dhuhr ou l'asr. Ce sont les plus faciles, je crois. Il a dit je fais seulement deux. Le prophète alayhi sallam a accepté. Il a dit d'accord. Deux. Subhanallah al-Azim. Imaginez. Est-ce que nous on accepterait cette chose? Est-ce que c'est accepté que quelqu'un fasse seulement deux prières? Mais qu'il commence par deux, mieux qu'il ne fasse rien. Car je sais que s'il va faire deux, c'est sûr que sa foi va petit à petit augmenter jusqu'à ce qu'il fasse les cinq. Et lui-même il se dira subhanallah, comment ça, je suis en train de jouer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait seulement deux prières? Donc je suis en train de jouer, ou bien je fais les cinq ou bien je ne fais pas. Et lui-même il va avoir honte et il va faire les cinq. Naam. Beaucoup de gens viennent chez toi, ils sont noyés peut-être dans le coffre, pas seulement dans la non-pratique. Ce sont peut-être des kuffars. Ils viennent vers toi, ils cherchent une issue, ils voudraient être aidés, tu lui fermes tout. Tout est bloqué. Ou bien tu fais tout, ou bien ne rentre pas en islam. Ça, c'est pas de l'islam. Naam, ça, c'est pas de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Al-Jami', toujours, il a dit lorsque la tribu de Thaqif, une grande tribu arabe, est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer en islam, ils ont demandé comme condition qu'ils ne fassent pas le djihad et ne donnent pas la zakat. Ils font seulement la prière et le ramadan et ils vont seulement au hajj. La zakat, moi je ne donne pas l'argent. L'argent, j'en ai besoin. Et le djihad, la guerre sainte, je ne la fais pas. Moi je ne suis pas fou pour aller me faire couper la tête. Regardez, deux piliers de l'islam. Ils ont dit on ne les fait pas, on fait seulement trois. Le prophète alayhi salam a dit ça yatasaddaqoun, ils feront la zakat, wa sayujahidoun, et ils feront le djihad. Et il a accepté deux, les trois piliers. Il commence par les trois piliers et il a dit ils feront les deux autres piliers. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la sagesse qu'on n'a pas nous. Je ne dis pas on est des ignorants, on est des ignares. C'est plus qu'ignorants. Ignares. Ça veut dire que on parle aux gens d'après la foi qu'on a. Naam, toi tu as la foi, mashallah, Allah Ta'ala t'a guidé. Ça fait 15 ans ou 20 ans que tu es, mashallah, pratiquant. Tu voudrais parler avec les gens en leur parlant du haut de ton rang. du haut, masha'Allah ta'ala, de ta foi. C'est impossible. Celui-là, il vient juste de débuter. C'est un débutant. Il faut beaucoup lui pardonner. Il faut aller doucement avec lui. Il faut ne pas le gronder. Il faut essayer de faire des pas, petit à pas. Pas après pas, pas après pas, pas après pas. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Ne dites pas à ceux qui vous disent salam alaykoum, ou là on veut la paix, vous n'êtes pas croyant, vous êtes un mécréant. Ensuite Allah ta'ala dit directement après ce verset, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. Vous aussi vous étiez ainsi. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Et Allah ta'ala vous a guidé. Naam, vous aussi vous étiez comme ça. كَذَلِكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. Vous aussi vous étiez comme ça, mécréant, comme cette personne avant que je vous guide. N'oublie pas ce que tu étais toi avant de rentrer en islam ou bien avant de commencer la pratique. N'oublie pas que tu étais dans un autre sentier. Tu étais noyé dans le péché. Si tu étais morte dans l'autre côté, tu étais morte dans l'autre sentier, peut-être tu ne verrais jamais le paradis. Naam. Il faut mettre ça entre les yeux et ne pas l'oublier. Quand quelqu'un est nouveau, ne pas oublier que toi aussi, tu étais comme lui il y a combien ? Il y a certaines années. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pardon si je trouve le hadith, où est-ce que j'étais ? Naam. Il a dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, naam, il a dit, innama fatimatu bad'atun minni, bad'atun, et des fois avec dhamma, bad'atun minni, yu'dhini ma adaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fatima, radiallahu ta'ala, c'est-à-dire sa fille, il a dit, Fatima, c'est une part de moi, une part, un morceau de moi, c'est un morceau de moi. Ce qui lui fait mal me fait mal. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a le sang? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a le sang ou là, il n'y a pas? Peut-être que je suis déconnecté, hein? Alhamdulillah. Tayyib. Il a dit, Fatima, radiallahu ta'ala anha, c'est quoi? C'est un morceau de chair de moi. C'est comme c'est ma main, mes yeux, yani mon cœur, c'est quelque chose de moi. D'abord, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup de gens disent Fatima Zahra. Zahra, Fatima Zahra. Ça, c'est très connu. Zahra, c'est les chiites qui disent cela. Il n'y a pas un hadith ou quelque chose qui dit Zahra. Il y a seulement Fatima. Fatima. Il n'y a pas Zahra. Zahra, c'est le terme des chiites, comme ils disent par exemple l'imam Ali. Il n'y a pas l'imam Ali, il y a Ali radiallahu ta'ala anhu. Si tu dis l'imam Ali, alors tous ce sont des imams. Imam Abu Bakr, l'imam Omar, l'imam Uthman. Naam, c'est pas seulement Ali. Naam. Mais les chiites, ils veulent donner comme ça des choses spécialement pour ce qu'ils appellent eux Ahl al-Bayt. Spécialement, naam. Al-Zahra ou al-Batoul, Fatima al-Batoul, et tout ça, ça n'existe pas dans la sunna. Al-Mouhim. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima est un morceau de chair de moi. Ce qui lui fait mal, me fait mal. Vous savez pourquoi il a dit ça? La famille de Abu Jahl, vous connaissez Abu Jahl, l'un des plus grands kafirs, l'un des plus grands ennemis de l'islam et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl avait une fille, parmi les filles, bien sûr, qui était pieuse, masha'Allah, qui était pieuse. Je crois que après sa mort, ça s'est passé cette chose. Alors, on a voulu donner la fille de Abu Jahl à qui? À Ali radiallahu ta'ala anhu, pour qu'il se marie avec elle. Et Fatima radiallahu ta'ala anha a eu vent de cela. On lui a dit, ah, les femmes, ça fait vite courir le bruit. Elle a entendu, elle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Il a dit, c'est quoi? J'entends que on veut marier Ali ibn Abi Talib avec qui? Avec la fille de Abu Jahl. Il a dit, Fatima, c'est un morceau de moi, un morceau de chair. Ce qui lui fait mal me fait mal. Jamais, ensuite il a dit, jamais la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera coépouse avec la fille de l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il a dit, ne peuvent pas se rencontrer. Qui? le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur allié d'Allah avec Abu Jahl qui est qui? Le plus grand ennemi d'Allah. Il a dit c'est impossible que leurs deux filles se rencontrent. Et Ali radiallahu ta'ala anhu, quand il a entendu cela, il s'est désisté et il n'a pas pris de coépouse jusqu'à la mort de Fatima radiallahu ta'ala. Quand elle est morte radiallahu ta'ala anha, il a épousé beaucoup beaucoup de femmes, beaucoup beaucoup, c'est-à-dire bien sûr il épousait et il divorçait, non. Mais en son vivant, il n'a pas pu se marier et le prophète alayhi salam lui a interdit qu'il prenne une coépouse, surtout si c'est celle, la fille de qui? La fille de Abu Jahl. C'est impossible. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, naam, il a dit, où est-ce qu'il est ce hadith? Naam. En parlant de l'Khadr, vous connaissez le Khadr? Il s'appelle le Khadr et il s'appelle le Khidr. Le Khidr ou le Khadr, c'est dans Sourate al-Kahf. Sourate al-Kahf. Vous connaissez le Khadr, hein? Moussa alayhi salam est allé parler au Khadr. Tayyib. Je vous apprends ici que on ne dit que Al-Khadr ou bien Al-Khidr. Certains se trompent. Ils disent Al-Khudayr. Al-Khudayr. Khudayr alayhi salam. Il n'y a pas Al-Khudayr. Il y a Al-Khadr et il y a Al-Khidr. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est tout. Bien sûr, vous savez, Inch'Allah ta'ala, que c'est un messager. Al-Khadr, c'est un messager. Comme l'a prouvé Ibn Hajj al-Asqalani en écrivant une risala, un livre spécialement pour prouver que le Khadir alayhi salam c'était un messager. Et Moussa alayhi salam, quand il est parlé, il est parti pour rencontrer le Khadir, il est parti avec quelqu'un, un valet avec lui, comment disons, un serviteur qui est parti avec lui. Ce valet lui-même est un messager, subhanallah. Ce valet lui-même qui est parti avec lui pour l'aider était lui aussi un messager qui s'appelait Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. Vous connaissez qui c'est Yusha ibn Nun? Je vais vous rappeler si vous connaissez l'histoire. Elle est dans le Bukhari. Yusha ibn Nun a dit une fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais faire la guerre sainte. Que ne me suive pas. C'est pas la peine de venir avec moi à la guerre sainte. Tout homme qui a demandé la main d'une femme et qui n'a pas encore consommé le mariage. Ou bien tout homme qui a acheté des vaches, etc., et des chèvres qui sont enceintes et n'ont pas encore donné bas. Ou bien tout homme qui a construit une maison, mais n'a pas encore terminé la dalle, n'a pas encore fait le plafond, etc. Et quand il est parti au djihad, il a demandé au soleil de s'arrêter. Il a dit, ô soleil, arrête-toi, car tu es guidé par Allah et tu es ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, comme je suis ordonné. Allah ta'ala m'a ordonné de faire le djihad. Arrête-toi pour qu'il ne fasse pas nuit jusqu'à ce que je termine le djihad. Et le soleil s'est arrêté à sa place. Subhanallah al-Azim. Le hadith, si vous voulez savoir où est-ce qu'il est, se trouve dans Sahih al-Bukhari. Le soleil s'est arrêté jusqu'à ce que Yusha ibn Nun a terminé sa guerre sainte. Tayyib, l'histoire est longue et elle est, mashallah, elle est chiira. On la laisse pour autre fois. Je voulais dire que ici, Yusha ibn Nun, radiallahu ta'ala anhu, il a dit trois personnes, ou bien trois sortes de personnes, ne doivent pas me suivre à la guerre sainte. Qui c'est? L'homme qui était fiancé, il n'a pas consommé. Celui qui a acheté des vaches, etc., qui n'ont pas donné bas. Et celui qui a construit une maison, n'a pas terminé. Pourquoi il a dit ces trois ne doivent pas me suivre? Car, comme disent les ulama, on ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un qui est quoi? À quelqu'un qui est mashghoul, qui est occupé. Quelqu'un qui a le cœur et le cerveau occupés. Moi, subhanallah al-azim, ça fait 10 ans que je cherche à me marier. Une fois que j'ai trouvé la fille et je me suis fiancé avec elle, maintenant on me dit il y a le djihad. C'est très difficile. Si je pars en djihad, je risque de me sauver et de revenir vers la fille pour me marier. C'est difficile, subhanallah al-azim. Naam, c'est difficile. Même si je vais au djihad, je sais que le djihad c'est mashallah, mais je ne vais penser qu'à elle. Au lieu de penser au paradis, je vais penser à elle. Et la même chose, autrefois, quand on achetait des vaches, etc., c'était très cher. Maintenant, je pars au djihad et je suis en train de penser, est-ce que les vaches ont donné bas, combien de veaux ont-elles donné, etc., etc. Et le troisième, il veut construire une maison. Pour construire une maison, maintenant, je ne sais pas, il te faut 10 ans maintenant pour construire une maison. C'est pour ça que certains disent que si les parents veulent faire des doua contre leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font comme doua? Ils disent, Ya Allah, fais-lui, yani, fais-lui dans le projet de construire une maison. Si les parents font un doua pareil, Ya Allah, occupe-le par construire une maison, là tu as tout perdu, car c'est vraiment difficile de construire une maison. Donc, quelqu'un qui va juste terminer sa maison, il la laisse, il va à la guerre sainte, il va au djihad. Mais Yusha ibn Nun, qui est un prophète, un messager, ce n'est pas quelqu'un comme nous, c'est quelqu'un qui connaît très bien, c'est quelqu'un qui compare, c'est quelqu'un qui voit le mal, le bien. Il leur a dit, c'est pas la peine de me suivre. Je n'aime pas que ces gens me suivent, car je sais qu'ils vont être occupés, ils ne vont pas faire le djihad, ceux-là. Naam, vous voyez le... Bon, je parlais de Yusha ibn Nun. J'ai dit que tout ça pour dire Al-Khader. Pourquoi il s'appelle Khader? Vous savez pourquoi il s'appelle Khader ou il s'appelle Khidro? Pourquoi? Parce que quand il est parti pour rencontrer Moussa alayhi salam, il s'est assis dans un endroit. Quand il s'est assis sur cet endroit, tout ce qui l'entourait est devenu vert. Tout ce qui l'entourait, il n'y avait ni herbe ni rien. Il y avait du sable. Et voilà que des plantes ont commencé à sortir et c'est devenu de la verdure autour de lui. En arabe, on dit Akhdar, Ahmar, Asfar. Akhdar, c'est quoi? Akhdar, c'est vert. C'est pour ça qu'il s'appelle Khader, de la couleur verte. Tout est devenu vert autour de lui. C'est pas moi qui dis cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Il a dit Innama summiya al-Khadiru Khadiran. Pourquoi? Li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa'idha hiya tahtazzu tahtahu khadra. Il a dit parce qu'il s'est assis sur quelque chose de blanc et voilà que c'est devenu tout vert autour de lui. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de... Il y a un hadith ici que je voulais... Naam. Il a dit Innama summiya al-qalbu, afwan, innama summiya al-qalba min taqallubih. إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلات تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. Pourquoi le cœur, en arabe le cœur, on dit le qalb. Pourquoi le cœur s'appelle le qalb? Pourquoi? Ça vient, c'est le prophète Aïssam qui nous apprend. Il nous dit, car le cœur, le qalb, en arabe, il a dit, à cause de taqallub, à cause qu'il se renverse beaucoup. À cause de, il n'est pas stable, il change beaucoup le cœur. Yataqallab, on dit X, cette chose, tataqallab, elle change, elle se renverse. Enfin, il y a un mot mieux que cela, je ne le trouve pas. C'est-à-dire, il ne reste pas stable. C'est pour ça qu'il est appelé Qalb. On dit Yataqallab. Naam. Comme on dit le Jow, Yataqallab. On dit le Jow, il fait beau, Masha'Allah, maintenant. Et voilà que, Subhanallah, Yataqallab, il a changé. Ça, la pluie va tomber. Le cœur change beaucoup. C'est pour ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam innama mathalu al-qalbi mathalu rishatin bil falat. Naam, il se transforme vite. Il a dit le cœur c'est comme une plume qui se trouve dans le désert. Ensuite cette plume elle s'accroche à un arbre et yuqallibuha ar-rih dhahran li batn. Et maintenant le vent est venu. Qu'est-ce qu'il va faire de cette plume qui a accroché? Il va la renverser une fois de ce côté, une fois de l'autre. Une fois de ce côté, une fois de l'autre. C'est la même chose le cœur. Regardez le cœur. Aujourd'hui, tu as un cœur, masha'Allah. Demain, tu te lèves avec un cœur lourd, un cœur chagriné. Ce matin, j'étais, masha'Allah. Ce soir, j'ai changé. Il y a une demi-heure, j'étais, masha'Allah. Maintenant, je ne suis pas bien. Maintenant, j'ai le cœur lourd. Je suis chagriné. Je suis pensif. Je ne sais pas, dégoûté. Naam. Alors qu'il y a une demi-heure, j'étais, masha'Allah, je sentais la foi, je sentais la douceur de la foi. Je voulais faire des choses, j'avais des projets. Maintenant, subhanallah al-adim, tout est parti. Et voilà que, une heure après aussi, ça commence à revenir de nouveau, alhamdoulilah. La joie commence à rentrer dans le cœur. Des fois, on entend quelque chose et le cœur change. Des fois, on voit quelque chose et le cœur se transforme. Subhanallah al-adim. Il s'appelle qalb. Et ta qalb, tu vois seulement une chose, elle change ta journée. Tu entends un mot, il change ta journée. Là, ta journée, subhanallah al-adim, et elle a changé. Pourquoi? Tu as entendu quelque chose qui t'a fait mal. Ou bien, tu n'étais pas bien, tu as entendu un mot qui t'a fait plaisir. Et mashallah, tu sens ton cœur, ta poitrine commence à se desserrer. Naam, surtout ceux qui font beaucoup de doua, mashallah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup: Allahumma ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Oh toi, ya Allah, qui renverse les cœurs, etc., fais de mon cœur, yani, qu'il soit sabit, qu'il soit toujours, yani, sur ton din, sur ton din. On ne sait pas d'ici demain qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas d'ici un mois qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'en est-il pour quelqu'un qui va vivre encore 30, 40, 50 ans? Est-ce que d'ici 50 ans, tu es sûr que le jour où on va t'enterrer, te mettre dans ta tombe, que tu es toujours dans cet état, toujours avec les prières à l'heure, avec le dhikr, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. J'ai dit d'ici demain, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand sera-t-il d'ici 50 ans? C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de doua, ne pas s'arrêter des doua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui me plaît beaucoup, un hadith dont le numéro est 5682. Il n'est pas dans le livre que j'ai avec moi, mais il est dans le tome numéro 2, car on est en train de lire le tome numéro 1. Qu'a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam à propos du cœur? Tayyib, je crois que c'est pas la peine de vous dire, c'est juste un rappel. Vous savez que tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala, deux beaux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il les change comme il veut. Tout le monde connaît ce hadith, mais écoutez bien le hadith qui va venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min al-qulub qalbun illa wa lahu sahabatun kasahab al-qamar. Il a dit, il n'y a pas un cœur de tous les êtres humains, il n'y a pas un cœur qui n'a pas quoi, qui n'a pas, il n'y a pas un cœur qui n'a pas un nuage. Un nuage, il a dit, comme le nuage de la lune, comme le nuage de la lune. La lune, elle a un nuage? Naam, la lune a un nuage. Des fois, la lune éclaircit. Allez, je termine le hadith et je vous explique. Ensuite, il a dit: بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت. Le prophète عليه السلام dit: alors que la lune était en train d'éclairer, voilà qu'un nuage l'a caché. فأظلم, la lune s'est noircie, c'est, elle est devenue obscure. Et ensuite, il a dit: إذ تجلت, et voilà, le nuage est passé et la lune a éclairé de nouveau. Vous voyez la lune, quand il y a, surtout quand il y a pleine lune, mashallah. Quand il y a pleine lune, on peut même voir la nuit, subhanallah. La nuit, tu marches, tu n'as pas besoin de lampe électrique ou de rien. En pleine nuit, tu peux voir. Pourquoi? S'il y a quoi? S'il y a pleine lune. Naam. Maintenant, alors que la lune éclairée, mashallah, voilà que quoi? Voilà que un nuage est passé devant la lune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la lune. Alors il n'y a plus de lumière, on voit noir, tout est noir. Il a dit, quelques instants après, voilà, le nuage s'est dissipé et la lune a éclairé de nouveau. Mais qu'est-ce qui a un rapport ici avec la lune? Le prophète alayhi salam sallam est en train de parler des cœurs. Il a dit, il n'y a pas un cœur qui n'a pas un nuage. Naam, tous les cœurs, tu es mashallah, tu sens la foi, tu sens la douceur de vivre, la douceur de la foi, tu te sens gai, et voilà que, khlas, tu es chagriné, voilà que tu as le cœur gros, voilà que tu as des problèmes. C'est quoi? C'est un nuage qui est passé et a entravé la lumière du cœur, car le cœur illumine, le cœur éclaire aussi. Bien sûr, le cœur, le vrai, le cœur qui suit le kitab et la sunna, qui suit la sharia, pas le cœur des bestiaux, des animaux qui sont des kofars. Le cœur du croyant, il voit, mashallah, il a des yeux, comme a dit Allah Ta'ala, فَإِنَّا لَا تَعْمَا الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَا الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Il a dit, ce sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont aveugles. Donc les cœurs ont des yeux. Al-Muhim, à chaque fois que tu te sens pas bien, tu te sens chagriné, sache que c'est un nuage qui est en face de ton cœur. Maintenant, combien le nuage va-t-il rester? C'est d'après comment tu vas faire pour éloigner ce nuage, pour le dissiper. Est-ce que tu vas faire des efforts ou tu ne vas pas faire? C'est quoi les efforts ici? Comment tu peux dissiper un nuage? Un nuage du cœur, tu le dissipes en faisant beaucoup de doigts. Que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était chagriné? La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshi al-azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi al-karim. Non seulement le prophète alayhi wa sallam disait ce doua quand il était chagriné, mais encore il a dit, il est obligé à chaque croyant d'apprendre ce doua. Pourquoi? Parce que tous s'entendent dans le chagrin, tous s'entendent dans les problèmes, tous, le nuage vient nous couvrir le cœur. Donc si tu ne fais pas des doigts, comment ce nuage va-t-il partir? C'est un nuage qu'on ne peut pas faire partir en s'aidant avec les gens ou là je ne sais pas qui. On va faire venir l'armée qui va nous aider. C'est le doigt qui peut enlever ça. Le doigt, naam, le doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup, dans les moments de chagrin, il disait beaucoup. Allahu, Allahu Rabbi, la sharika lah. Allahu, Allahu Rabbi, la sharika lah. Regardez comme c'est facile. Allahu, Allahu Rabbi, la sharika lah. Dans une autre version, une seule fois. Allahu Rabbi, la sharika lah. Dans une autre version, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'an. L'essentiel, c'est quoi? D'éloigner l'associationnisme, shirk. Naam, Allahu Rabbi, la sharika lah. Allahu Rabbi, la sharika lah. Ou le dua que je venais de dire. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Ensuite, il y a une chose qui a été essayée, mashallah, ça donne beaucoup de résultats. C'est quoi? C'est aussi de faire une prière de deux rak'at, d'aller faire les ablutions et de faire une prière de deux rak'at, une prière de deux rak'at, et de demander au Seigneur, quand on est prosterné, d'éloigner de nous ce problème, d'éloigner de nous ce nuage. Allah subhanahu wa ta'ala exauce son serviteur qui est sincère. Naam. Tayyib. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith, il a dit: Innama nasmatul mu'mini ta'irun ya'luqu fi shajaril jannah. حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله في جسده يوم يبعثه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith 2376, hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: lorsque le croyant meurt, naam, son âme, bien sûr, après être passé par la tombe et les questions-réponses de la tombe, etc. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe beaucoup de choses. Entre autres, qu'est-ce qui se passe? L'âme du croyant, Allah subhanahu wa ta'ala va la prendre et la mettre dans un oiseau. Quand je dis un oiseau, c'est-à-dire en arabe, ta'er. Tout ce qui vole, s'appelle ta'er. Quand je dis un oiseau, ça peut être un pigeon, ça peut être une perdrix, ça peut être un canard, ce qui vole. Allah subhanahu wa ta'ala va la mettre dans un oiseau, un volatile, un qui vole. Pourquoi? Il a dit ya'luqu min shajari al-jannah, pour que il puisse manger des arbres du paradis. L'arbre du paradis, vous connaissez quelle est sa hauteur, hein? Vous connaissez qu'il faut 100 ans pour traverser son ombre, mashallah. Donc il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala mettra l'âme des croyants dans des volatiles, et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger des arbres du paradis. Il a dit jusqu'à ce que vienne la fin du monde et le jour de la résurrection. Alors il va rendre son âme dans son corps, il va la rendre dans son corps, dans la tombe, pour qu'il se réveille et sorte après que Israfil alayhi salam ait quoi? Ait sonné dans le corps et dans la trompe. Naam. Et bien sûr, il y a un autre hadith qui ressemble beaucoup à celui-là, qui se trouve dans le Bukhari, qui dit que il parle des shuhada, il parle des martyrs. Il a dit, il va les mettre dans des volatiles. Il a cité la couleur, il a dit de couleur verte. Et il a ajouté quelque chose, il a dit, ces volatiles mangeront des arbres et du paradis. Il a dit, et le soir, ils vont aller à des lanternes qui se trouvent sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont là-bas rester sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est seulement pour les martyrs. Alors que tous les autres qui ne sont pas martyrs, c'est dans des volatiles comme ça, hein, qui restent en train de manger de ce qu'il y a dans le paradis. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ajouterai peut-être un hadith ou deux, il a dit, Innama yakhruju ad-dajjalu min ghadbatin yaghdabuha. Ad-dajjal, c'est qui? C'est l'antéchrist. L'antéchrist. Tout le monde connaît l'antéchrist. Vous savez que l'antéchrist va venir à la fin du monde et qu'il n'y a pas un messager qui n'a pas, yani hadhar, qui n'a pas, comment qu'on dit hadhar? Non, il n'y a pas un messager qui n'a pas mis en garde. Mis en garde, Zinjabila. On a dit les deux à la même. Alhamdoulilah, barakallahu. J'ai dit, il n'y a pas un messager qui n'a pas mis en garde sa nation contre qui? Contre le Messie Dajjal, l'Antéchrist. Non. Vous connaissez la fitna, il va faire une grande fitna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que, entre autres, pour s'éloigner de la fitna, entre autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne jamais aller vers lui. Naam. Si tu es par exemple à Marseille, tu entends que l'Antéchrist est sorti en Irak, c'est pas la peine de dire je vais prendre l'avion, je vais voir comment il est fait, etc. C'est écrit kafir sur son front, j'ai pas peur de lui, etc. Attention, le prophète a dit, il y a des gens qui voudront aller le voir. Par curiosité, ils vont le suivre. Naam. Quand il y a la fitna, il faut t'enfermer à la maison. Ce n'est pas sortir et dire je vais voir, j'ai la foi, mashallah, j'ai pas peur pour moi. Non, non, ne fais pas de tout ce qu'il y a à toi-même. Cache-toi dans ta maison et fais des doigts pour qu'il ne vienne pas vers toi. C'est pas maintenant toi qui vas vers lui. Mohim, cet antéchrist, j'ai dit que tu auras beaucoup de fitna. Naam, il viendra avec beaucoup de fitna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que, entre autres, il ne faut pas aller vers lui. Entre autres, il faut lire les 10 versets de Sourate Al-Kahf. Ici, il y a deux hadiths authentiques. Le premier dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu lis les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Et le deuxième dit, tu lis les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux hadiths authentiques. Le premier énonce les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf et le deuxième énonce les 10 derniers. Et il n'y a pas de contradiction, ça veut dire tu es libre. Tu lis ou bien les 10 premiers ou bien les 10 derniers. C'est bien que vous sachiez que les deux sont véridiques pour qu'il n'y ait pas yani, contradiction et polémique avec des frères, etc. Toi, tu vas dire il y a les 10 premiers, lui, il va te dire c'est les 10 derniers et vous risquez de ne plus vous parler. Non, certains frères ne se parlent plus à cause de choses, subhanallah, qui sont vraies et véridiques et les deux ont raison et ils ne vont plus se parler. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Donc, cet antéchrist, où est-ce qu'il se trouve maintenant? Il est quelque part dans une île. Quelque part dans une île, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a quelqu'un qui s'appelle Tamim al-Dari, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith est dans le Bukhari muslim, il a rencontré qui? Il a rencontré l'antéchrist. Car il était dans une barque et le mauvais temps, etc., il sont partis vers une plage dans une île. Quand ils sont descendus dans cette île jusqu'à ce que la mer ne soit plus agitée, ils ont rencontré Al-Jassasa, un animal Al-Jassasa, mais qui parle. Subhanallah, ça ressemble un peu à un gorille. Il a parlé, il leur a dit, allez voir qu'est-ce qu'il y a dans la grotte là-bas. Ils sont partis dans une sorte de grotte. Ils ont trouvé qui? Ils ont trouvé quelqu'un comme un monstre, quelqu'un, un géant attaché avec des chaînes. Et lui ont parlé et il leur a dit à la fin de son discours, il leur a dit, c'est moi l'Antéchrist, c'est moi le Messie Dajjal, je suis attaché ici jusqu'au jour où yani, je casserai les chaînes et je sortirai. Et vous savez tous que il va sortir à Khorasan et en passant par Aspahan, et ensuite il ira dans tous les pays du monde, sauf comme vous savez, sauf à Médine. Et à Mecca, Médine et Mecca, il y a des anges devant les portes qui l'empêcheront de rentrer à Médine et Mecca. Al-Muhim, Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu, a vu l'Antéchrist et il est parti. Quand il est revenu chez le prophète, il lui a raconté, il lui a dit, j'ai vu l'Antéchrist, il lui a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba disent, on ne l'a jamais vu plus gai comme ce jour-là, tellement il était gai. Il a fait venir le minbar, il a monté sur le minbar Il a dit, ô gens, laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Je vous avais déjà parlé de l'Antéchrist. Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas un messager qui n'a pas mis en garde contre lui. Sachez que Tamim Dari, voilà Tamim Dari est là. Sachez que Tamim Dari a rencontré le Messie Dajjal, il l'a vu, etc. Il lui a raconté leur histoire. El-Mohim, que dit aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on est en train de lire? Il a dit, l'Antéchrist, le Messie Dajjal, sortira après quoi? Sortira après un énervement. Non, il est là, attaché avec des chaînes dans une île, je ne sais pas où. Un jour, il va s'énerver, je ne sais pas pourquoi. En s'énervant, il va quoi? Il va briser les chaînes et sortir. Vous savez que quelqu'un, quand il s'énerve, même moi, vous qui m'entendez, quand tu énerves, tu t'énerves, tu as beaucoup plus de force que lorsque tu n'es pas énervé. Non, quand tu t'énerves, tu frappes quelqu'un, tu risques de le tuer. Subhanallah. Moussa alayhi salam a frappé quelqu'un, il l'a tué. Il a dit, fais wakazahu Moussa. Il a frappé comme ça, il est tombé mort. Non. Alors que quand on n'est pas énervé, et puis on est faible. Alors cet antéchrist, je ne sais pas pourquoi il va s'énerver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser les chaînes et il va sortir. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de ce shaitan-là, le Messie Dajjal. Bien sûr, quand j'ai dit qu'il est dans une île, c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que personne n'a le droit de dire que toute la terre a été exploitée. Non, ce n'est pas vrai. Le Messie Dajjal est quelque part et personne n'est arrivé à l'endroit où il est. Exactement comme Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj sont quelque part derrière la barrière et personne ne les a encore trouvés. Certains disent les îles de Bermude, les autres, je sais pas ce qu'ils disent, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont quelque part et que personne ne les a encore trouvés et ne peut les trouver jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission. Naam, donne la permission. Tayyib, je vais ajouter encore quelques hadiths parce que Naam, parce que je préfère arrêter à minuit, inshallah ta'ala. Parce que des fois je me sens pas motivé à faire, des fois je me sens un peu motivé, c'est pour ça que je veux continuer. C'est un peu le nuage. Le nuage, il n'est pas avec moi aujourd'hui, mashallah, il est loin de moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est loin de vous. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 60 ou 300 mifsal. Le prophète alayhi wa sallam a dit, d'abord, dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fikoum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikoum. Le prophète alayhi wa sallam a dit, chaque être humain a été créé. Chaque être. Attends. Salam alaykoum. Polémique est arrivée dans nos mosquées concernant des motifs. C'est terminé, tu as terminé, tu écris numéro 1. C'est quoi les motifs ado? Où est-ce qu'ils se trouvent les motifs? Où se trouvent les motifs ado? Non, où se trouvent les motifs? Sur les tapis ou là où se trouvent-ils? Sur le carrelage? Non. Le carrelage est-il recouvert ou là il n'est pas recouvert? Non. Moi je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose. Il y a certaines personnes qui ont un peu le ouest-ouest, ce qu'on appelle le ouest-ouest. Dans n'importe quelle chose, il va te trouver une croix. Naam. Dans n'importe quelle chose, il va te dire, regarde ici, il y a une croix. Et, mal-asaf, certains rentrent dans le ouest-ouest. Naam. Il veut faire fisabilah, enlever les croix, etc. Mais il exagère, et dans toute chose, il va te dire, il y a une croix. Ensuite, il va arriver à ton appartement. Il va te dire l'immeuble là, il a la forme d'une croix. Il faut détruire l'immeuble. Vous allez tous habiter dans des tentes parce que l'immeuble a une forme de la croix. Naam. Il y a vraiment des gens, des exagérateurs. Et il y a au contraire d'autres qui, ça leur dit rien, qu'il y ait la croix ou pas, ils s'en fichent. Alors que la croix est visible devant lui, subhanallah, une grande qui frappe, qui tape à l'œil et il se dit non, ce n'est pas une croix. Donc il y a toujours des extrêmes. Abu Amel, moi je ne suis pas avec vous, Je ne sais pas exactement comment sont ces croix, elles sont visibles, pas visibles. Je ne sais pas. Il faut essayer, si vraiment elles tapent à l'œil, il faut essayer de trouver une solution. S'il y a la solution, Naam, s'il y a la solution, c'est de couvrir par exemple le parterre. On couvre le parterre par un tapis. Naam, on couvre le parterre par un tapis. Mais je ne crois pas que les croix soient yani, vraiment des croix. J'ai peur que ça soit seulement des ouswes. Des ouswes. Et à force de voir dans la chose, on remarque la croix. On dit voilà, ici il y a une croix. Car je vous ai dit, toute chose, peut-être toute chose contient une croix. Naam, est-il permis à une femme de retirer son voile devant l'oncle de son mari? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas retirer son voile devant l'oncle de son mari. Pourquoi? Parce que l'oncle de ce mari peut se marier avec elle. Parce que l'oncle de son mari peut se marier avec elle. Je vous ai dit tout à l'heure la règle, c'est quoi? Une femme, si elle peut se marier avec quelqu'un, ce quelqu'un n'est pas quoi? N'est pas son mahram. Non. Donc elle ne peut pas se dévoiler devant lui. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Si tu peux, Abu Amel, si tu peux, tu photographies la robe et tu le scannes et tu me l'envoies, inshallah ta'ala, pour que je te dise si ce sont des croix ou ce ne sont pas des croix. Naam. Abu Asya tafadhal. Hayakallah, Abu Asya tafadhal. Une seconde. Tayyib. Non, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Tayyib. Assalamu alaikum. Savez-vous si ce hadith est sahih? Le cœur du croyant est blanc avec un nasr lumineux qui le guide, tandis que le cœur du mécréant est noir et saisit les choses à l'envers. Rapporté par Ahmed et Tabarani. Abu Asya, il faut me le donner en arabe pour que je comprenne. Comme ça, je ne vois pas comment qu'il est en arabe. Il faut me le donner en arabe, au moins son début, au moins son début en arabe, pour que je puisse, inshallah ta'ala, te répondre. Naam. Moi, je voulais parler de quelque chose qui m'est venu aussi, ici en PV, pour que vous aussi, vous sachiez cette chose et que yani, vous participiez au débat. Quelqu'un me dit, Salam alaikum, je tiens à rectifier les termes en français sur la circoncision. Quelqu'un dit, je tiens à rectifier les termes en français sur la circoncision. Naam, toute personne qui peut rectifier et aider, jazakallahu khayran. Cette personne a dit, la circoncision dont vous parliez, le khitan, est pour les hommes et les femmes, alors que l'excision est le fait de couper l'organe du plaisir de la femme. Le clitoris ou le clitoris, et ceci est haram comme vous le savez. Maintenant j'ai compris ce qu'a dit cette personne. Veut dire que l'excision c'est pas la circoncision. Naam, cette personne veut dire, j'ai compris ce qu'elle veut dire, elle veut dire que la femme aussi on lui fait la circoncision, on fait pas à la femme l'excision. Elle a dit parce que l'excision c'est couper de la femme le clitoris, c'est-à-dire lui couper l'organe qui lui donne la jouissance, et c'est interdit, elle n'aura plus la jouissance. Cette personne a dit donc la femme aussi on la circoncit. Et moi je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, c'est-à-dire entre la différence de la circoncision et l'excision, ça je ne sais pas exactement quel est le terme le plus juste qu'il faut employer. Est-ce que c'est comme a dit cette sœur ou bien comme a dit la première sœur? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, ça demande inshallah ta'ala une recherche. Naam. Tayyib. On était avec qui? Sa'd ibn Mu'ad, Abu Asya. Naam. Abu Asya, si tu peux me donner le hadith en arabe, donne-le inshallah ta'ala. Akh Muhammad, tafadhal. Je n'ai pas l'arabe. Naam. Tu n'as pas l'arabe. Wasmak. Abu Asya, je te donne le micro inshallah ta'ala, tu nous dis le hadith en arabe. Tayyib, Sa'd ibn Mu'ad, l'excision c'est de couper une partie du clitoris de la femme, comme vous avez dit Cheikh. Naam. Donc si c'est comme ça, donc le prophète alayhi salatu wasalam parlait de la circoncision, je crois. Naam, c'est de la circoncision. Je n'ai pas de micro non plus, cher. طيب إذن الله المستعان كيس كون دي الله المستعان إن شاء الله تعالى la prochaine fois إن شاء الله تعالى je te répondrai. Je ne sais pas ton hadith comment qu'il est en arabe, c'est pour ça que je ne peux pas te répondre. طيب خير إن شاء الله. أخ محمد تفضل. القلب تاع المسلم أبيض تاع المسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit تاع المسلم. نعم قلب المؤمن أبيض تقريبا هكذا. Continue encore, qu'est-ce qu'il y a? Continue le hadith si tu le connais. Tayyib, naam, qalb al-muslimi, abyad. Je suis en train d'essayer de penser à ce hadith, naam, comme ça, qalb al-muslim, qalb al-mu'min, abyad, je ne connais pas, qalb al-mu'min, abyad, qalb al-muslim, je te vois maintenant dans le programme de Cheikh al-Albani, qalb al-muslim, il n'y a pas. Il n'y a pas Abiyad. Naam. Je ne connais pas un hadith comme ça qui dit Abiyad. Naam. Il y a d'autres hadiths qui disent que le hadith du musulman, que yani, il y a des fitan qui arrivent dans le cœur et que le cœur du musulman réfute, n'accepte pas ces fitan. Et que l'autre accepte des fitan jusqu'à ce qu'un cœur devienne noir. Ensuite, il commence à renverser les choses. Il voit le contraire. Peut-être que tu parles de ce hadith et que le n'accepte pas les fitnes car entrent dans le cœur et font des tâches. Si tu veux parler de ce hadith, ce hadith est sahih, il est même dans le Bukhari. Naam, Abu Asi, est-ce que tu parles de ce hadith? Naam, est-ce que tu parles de ce hadith, Abu Asi? Je vais même te donner, Inch'Allah Ta'ala, non, pas celui-là, tu connais celui-là. Naam, je vais même te donner, si tu veux, yani, comment qu'il a dit exactement le hadith. Lorsqu'il dit quel cause imujakhiyin. Naam. Naam. Il dit, tu'aradu al-fitan ala al-qulub ard al-hasir. Oudan, oudan. Écoute ce hadith. Oudan, oudan. Ensuite, il a dit, fa'ayu qalbin ushribaha nukit fin. نكتة سوداء ويقلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض jusqu'à ce que le cœur devienne blanc مثل الصفا لا تضره فتنة il n'a pas خلاص aucune فتنة ne peut influer sur lui مدامة سوات الأرض il a dit l'autre أسود نعم si tu parles de ce hadith je t'ai dit que ce hadith était vrai et que je crois qu'il se trouve même dans le Bukhari رحمه الله. Mais si c'est un autre hadith, je ne vois pas ici. Tayyib, je vous ai trouvé cela. C'est quoi? Tayyib, Mukhtar 99, tafadhal. Je crois que c'est Akh Mohamed avant lui. Hein? Akh Mohamed. Je crois que c'est Akh Mohamed avant lui. Hein? Akh Mohamed, est-ce que tu as posé ta question, Akh Mohamed? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Salam alaikum barakallahu fik. Pour le dars, je voulais vous demander concernant l'antéchrist que le compagnon a vu. J'avais demandé à un frère, il m'avait dit que certains savants disent qu'il y a plusieurs antéchrists. Selon certains savants, est-ce vrai barakallahu fik? Non, il y a un seul. Il y a un seul. Naam. Quand on parle de l'antéchrist, on parle de cela. Mais le prophète Islam a dit qu'il y aura des dajjaloun, à peu près 30. Il veut dire par dajjal, il veut dire quoi? Il veut dire des gens qui vont dire que je suis un prophète, des faux prophètes, des faux messagers. Il y en aura à peu près 30. Mais quand il a parlé de le Messie Dajjal, quand il ajoute le mot le Messie, c'est l'antéchrist. Il y a un seul. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. C'est ça le vrai. Les autres Dajjalin, ce sont ceux qui, les faux prophètes. Ceux qui vont dire on est des prophètes. Et il y en aura 30 à peu près, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. طيب. Est-ce que tu es là, Akh Mohamed? Voilà un site, Inch'Allah Ta'ala. Voilà un site, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui veulent vérifier là-bas. Moi, j'ai pas le temps pour rentrer, je suis occupé. Ceux qui veulent vérifier, ça se concerne la circoncision et l'excision, etc. Je voudrais avoir des chaussures comme ça. La prochaine fois, quand je dis, j'emploie le mot, je saurai pour la femme, est-ce que je vais dire circoncision ou là je vais dire excision. Naam, barakallahu fikoum. Bismillah, tafadhal. Tayyib, je reparle avec Akh Mohamed. Akh Mohamed, est-ce que tu as posé ta question? Dis-moi oui ou non, Akh Mohamed. Tayyib, Akh Mohamed Hada, il n'est pas là. On va passer à Bismillah 71. Tafadhal, Bismillah. Et alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend pour poser sa question? Tayyib, je rappelle à mes frères et mes sœurs, je leur rappelle, c'est tout, que il se peut, je dis il se peut, que ce soit le dernier dars aujourd'hui. Car vous savez que à 90%, je suis absent à partir de lundi pour un mois. Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas si à 90%, il reste une chose que je vais vérifier demain. Si cette chose, je l'ai demain, ça veut dire que je suis absent un mois. Si je ne peux pas avoir cette chose demain, ça veut dire que je ne peux pas voyager. El Mohim. Je disais que, donc, il se peut que ce soit aujourd'hui le dernier dars jusqu'à la fin août, et il se peut qu'il y a un dars demain. C'est-à-dire, même si je voyage, Inch'Allah, lundi, il se peut que demain, j'ai un dars, dimanche. Pourquoi? Parce qu'il se peut que j'ai le temps. Non, si j'ai le temps, je fais le dars, ne serait-ce que question-réponse. Ou bien je fais la suite des hadiths comme aujourd'hui. Si vous ne voyez pas demain, jusqu'aux environs de minuit, je ne suis pas rentré, je ne me suis pas connecté, ça veut dire qu'Inch'Allah ta'ala, on se rencontre bidna, dans un mois. Inch'Allah ta'ala. Tayyib. Bismillah, hadith. Salam wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jazakallah pour votre dars. Il n'y a pas de relation avec le cours. Mais pouvez-vous me dire si on peut faire une deuxième muqabala par webcam avec internet en présence du mahram, Inch'Allah, sachant que le frère habite loin, pour bien voir la personne avec qui on va réaliser la moitié de sa foi, Inch'Allah, jazakallahu khairan. Naam, si le mahram est devant elle, si quand tu vois la personne, son mahram est assis devant elle, et que c'est loin, comme tu dis, d'aller la voir, etc., et qu'ils ont accepté de la voir une deuxième fois, ce n'est pas interdit, Inch'Allah ta'ala. Naam. Mais celui qui veut voir, revoir, c'est-à-dire, ce n'est pas par tentation. Ce n'est pas parce que, par exemple, elle lui a plu, il veut la revoir. Mais par exemple, parce que juste, il a des choses dans le cœur, il veut revoir pour prendre, par exemple, la décision. Il veut revoir pour prendre la décision, par exemple. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. تفضل الأخي أخلاق 93 أخلاق 93 تفضل حياك الله. J'aimerais vous poser des questions en PV, من فضلكم. نعم. Je vais t'ouvrir ce PV et poser ici, Inch'Allah ta'ala. نعم. Mais akhlaq, c'est toi-même, akhlaq, c'est toi-même qui a le PV fermé. Je viens de t'écrire, ça passe pas. Donc toi, Inch'Allah ta'ala, commence par ouvrir ton PV. Isa 83, tafadhali. Cheikh, on m'a donné un site en PV sur la circoncision et l'excision. Naam, je viens de l'afficher. Sa'd ibn Mu'ad, Ibn Mu'ad, je viens de coller ce site, Inch'Allah ta'ala. Si c'est un autre site, colle-le. Si c'est un autre site, colle-le. Je ne vois pas d'inconvénient, Inch'Allah ta'ala. Allah. Je ne peux pas écrire à celui-là. Pourquoi? Taïb, maintenant c'est ouvert. Akhlaq, je t'ai ouvert le PV. Assalamu alaikum. Lorsque l'on est dans une salle de bain où il y a des toilettes, il est bon de dire Bismillah avant les ablutions, Alhamdoulilah, après l'éternuement. Barakallahu fikum. Naam. On peut dire. Naam, on s'éloigne. L'essentiel, c'est que on est loin de l'endroit où on fait les besoins. On est loin de l'endroit où on fait les besoins. Naam, on peut dire Bismillah avant le wudu. Et on doit le dire. On doit le dire bi'idhnillah ta'ala. Donc voici un site, Inch'Allah ta'ala, pour l'excision et la circoncision. Et je demande à ceux qui rentrent dans ce site, ou celui que j'ai cité auparavant, S'il trouve qu'il y a une différence entre l'excision pour la femme, je parle de la femme, et la circoncision, qu'il me l'envoie, par exemple, Baraklof, et qu'il me l'envoie, parce que je voudrais savoir si vraiment yani, il y a une différence pour que je ne me trompe pas quand je parle avec les gens. Naam. Ousmuk, Akhlar 93. Ton PV est fermé. Akhlar 93. J'ai essayé, je ne peux pas. C'est toi qui as fermé ton PV. Si tu veux que je t'écrive, il faut que tu ailles ouvrir ton PV d'abord. Ton PV s'est fermé. Il faut, bi'idhnillah ta'ala, ouvrir le PV. Regarde, je vais t'écrire maintenant. Il va dire non, regarde. Voilà, je vais t'écrire. Non, c'est pas toi qui as fermé, mais il est déjà fermé. Il est fermé. Regarde, je vais t'écrire ici. Voilà, il me dit only accepting message from people already. Non, il me dit que cette personne qui s'appelle Akhlar 93 ne peut pas recevoir de PV que des gens qui sont sur la liste. Toi, dans ton PALTOC, il faut rentrer dans le setup et choisir l'option ouvrir mes PV à tout le monde. Toi, dans le setup, c'est écrit ouvrir le PV seulement à ceux qui sont dans ma liste. Tu dois changer. Tu vois où c'est écrit en haut? C'est écrit en haut action. Tu vois action? Non. Ensuite, tu vas. Non, c'est pas action. Tu commences par file. C'est écrit file. Ensuite, setup préférence. Ensuite, ici, tu vas à... Attendez, je vais voir où il va y aller. Non, tu vas où c'est écrit privacy. Privacy. Non, tu vas où c'est écrit privacy. C'est écrit comme ça. Je répète. Tu vas à file. Ensuite, setup. Ensuite, privacy. Je sais pas comment ça se lit en anglais. Ensuite, tu dis... Non. Ensuite, tu cliques sur le premier. C'est écrit Allo al user to contact me. Tout le monde peut me contacter. Non. Car toi, tu as cliqué sur le troisième. Toi, tu as cliqué sur Allo contact from pal list. List. Non. Inch'Allah ta'ala. Tayyib. Isa, on a terminé. Esma, tafadhali. Inch'Allah ta'ala, demain à la même heure, Inch'Allah ta'ala. On termine quelques hadiths et on passe aux questions-réponses, Inch'Allah ta'ala. Sauf comme je vous ai dit, si je ne suis pas là. Tayyib, maintenant, Oumou Esma, est-ce que tu es là avec nous? Pouvez-vous répéter le doigt que le prophète alayhi salatu salam a dit d'apprendre et de dire? Naam. Une seconde. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, pour que je sois sûr d'une chose. Une seconde. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vérifie une chose. Non. طيب ام اسماء tu m'as rappelé une chose, alhamdoulillah, tu as été la cause de me rappeler une chose. Moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé des doua qui font enlever le chagrin, etc., j'ai parlé du nuage, j'avais dit la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshi al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshi al-karim. Ensuite, j'avais dit quoi? Ensuite, j'avais dit ce doua, le prophète alayhi sallam a dit que chaque musulman devait l'apprendre. Est-ce que c'est comme ça que j'ai dit, Oum Esma? Écris-moi numéro 1 si c'est comme ça que j'ai dit. Tfadzal Akhlaq 93. Oum Esma, tu me... Naam. Donc maintenant, Inch'Allah ta'ala, je me corrige. Le doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque musulman doit l'apprendre, c'est pas celui-là, c'est un deuxième que j'ai oublié de vous citer. Et qui se dit aussi dans les chagrins. Il dit comme ça. Attendez, Allahumma inni abduk, bnu abdik, bnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamta wahadan min khalqik, أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Voilà le dua que le prophète Aïssalam a dit qu'il fallait apprendre. Moi, tout à l'heure, je me suis trompé quand je vous ai cité un autre dua et je vous ai dit que c'était celui-là qu'il fallait apprendre. Mais n'empêche que le prophète le disait beaucoup, le deuxième. Il disait beaucoup La ilaha illallah, al-azim al-halim. La ilaha illallah, Rabbu al-arsh al-azim. La ilaha illallah, Rabbu al-samawati wa Rabbu al-ardi wa Rabbu al-arsh al-karim. Naam. Ce hadith, ce dua, il le disait beaucoup. Je le répète, il le disait beaucoup quand il était chagriné. La ilaha illallah, al-azim al-halim. La ilaha illallah, Rabbu al-arsh al-azim. La ilaha illallah, Rabbu al-samawati wal-ardi wa Rabbu al-arsh al-karim. Naam. Abu Zayd, tafadhal. Alhamdulillah, tu as été la cause pour me corriger. Barakallahu fik. Et aussi sur me demande de vous demander de vérifier le site car il y a des photos. Naam. Tayyib. Abu Zayd, est-ce qu'il a posé sa question? Je ne sais pas. Tafadhal Abu Zayd, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Akhlaq 93. Akhlaq 93, lève la main pour savoir où tu es bi'idhnillah. Akhlaq 93, lève la main bi'idhnillah ta'ala. Abu Zayd, écris, je suis en train de te lire, écris. Dans notre mosquée, un nouvel imam. Écris, Inch'Allah ta'ala, je suis en train de te lire. Akhlaq 93, est-ce que tu es là? Peut-on se lever de ses cours car on ne connaît pas son minhaj? Naam, si tu ne connais pas son minhaj et que en même temps, tu ne sais pas, ou là tu n'as pas yani, les moyens pour savoir est-ce que c'est un, s'il est sur le minhaj ou pas, il vaut mieux te lever. Mais si c'est quelqu'un qui peut s'asseoir yani, de façon à ce que il peut discerner son minhaj, celui-là il peut s'asseoir pour voir quel est son minhaj. Ensuite, quand il sait que son minhaj n'est pas bien, il se lève. Quand il sait que son minhaj est bien, il s'assoit. Mais si quelqu'un ne sait pas, il vaut mieux qu'il se lève car on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va dire cette personne et on n'a pas le vaccin. Puis-je me lever en plein cours car des frères ils me disent que ce n'est pas le comportement. De préférence, avant de t'asseoir, on ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'on soit sûr quel est son minhaj. On ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'on soit sûr qui c'est cette personne, etc. Car je ne m'assois pas avec n'importe qui. Naam. Maintenant, quand tu t'assois, il est possible que tu te lèves car c'est comme si tu allais par exemple aux toilettes. Est-ce que ce n'est pas permis par exemple à quelqu'un qui s'assoit d'aller aux toilettes? C'est permis. S'il y a le téléphone qui sonne, c'est permis aussi qu'il sorte pour parler. Donc, naam, il y a des façons comment qu'on se lève. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Abu Hind, tafadhal. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de temps pour lire dans le site, mais ici dans le site ils ont traduit, ils ont dit le prophète a dit la circoncision est une sunna pour la femme et l'excision, ils ont employé le mot excision, et l'excision est un honneur pour les femmes. Non, la circoncision est une sunna pour les hommes, pardon, la circoncision est une sunna pour les hommes et l'excision est un honneur pour les femmes. Donc d'après ce que je vois ici, pour la femme ça s'appelle l'excision, d'après ce que je vois ici hein. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Et il a dit il y a plusieurs types de circoncision féminine, l'ablation du clitoris, l'ablation partielle et mutilation génitale, etc., etc. Après Inch'Allah ta'ala je vais lire cela. Maintenant je suis en dars, j'ai pas le temps. Salam alaikum wa rahmatullah. Mes parents ont un chien qui casse tout chez eux. Ils m'ont demandé de l'emmener dans un organisme pour l'abandonner. Dans cet organisme ils vont le piquer, tuer. Est-il permis que je l'y amène? Sinon que me conseillez-vous? Naam. Mes parents ont un chien qui casse tout chez eux. Ils m'ont demandé de l'emmener dans un organisme pour l'abandonner. dans cet organisme, ils vont le piquer, ils vont le tuer. Est-il permis que je l'y amène? Sinon, que me conseillez-vous? Non, même si tu l'emmènes là-bas, c'est pas toi qui l'as tué. C'est pas toi qui l'as tué, c'est qui? Ce sont eux qui l'ont tué. Toi, tu l'as amené, et Annie, tu n'as pas de solution, car quand il reste avec eux, bien sûr, le chien, tu sais qu'est-ce qu'il fait, je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais je te donnerai un conseil qui est mieux. C'est lequel? C'est de faire en sorte que ce soit eux qui l'emmènent. Car je veux te dire de le lâcher comme ça dans la rue, mais ça revient à la même chose. Il y a quelqu'un qui va le prendre et il va l'élever à la maison. Encore, c'est plus grave. Il y a quelqu'un qui va le prendre et qui va l'emmener à la maison. Naam. Ils sont en vacances. Naam, Abu Hind, Allahu a'lam. Abu Hind, Allahu a'lam. Il me semble que, yani, si on le prenait là-bas, que il me semble que ça se fait. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Est-ce que Abu Hind, est-ce que le chien est avec moi, est avec toi dans la maison? Est-ce que le chien est avec toi dans la maison? Non, il est chez mes parents. Khalas. Non, il est chez mes parents. Laisse inshallah ta'ala qu'il revienne. Laisse qu'il revienne et se débrouille avec le chien. Laisse qu'il revienne et il se débrouille avec le chien bi'idhni azza wa jalla. Non, tu dis que le chien, il me salit, je ne sais pas quoi, peut-être que il peut même me mordre. Si je voudrais que ce soit vous qui le preniez. Non. Qu'est-ce qu'il te dit ce frère au sujet du site? Non, qu'est-ce qu'il dit? Qui ont été mis, ils sont déconseillés. Allah, je ne sais pas, je les ai pas vus. Hein. Je viens de voir comme ça un, mais j'ai pas bien vu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Non, non. C'est pour ça que ce sont des sites chrétiens. Non. Si ce sont des sites chrétiens, on ne doit pas prendre de les règles. Non. Les règles, on les prend des sites musulmans, des sites écrits par les ulama. Ça, des sites écrits par les ulama. Non. Tayyib, jazakallahu khairan. Umu Nayla, tafadhali. Une seconde, je lis quelque chose en PV. Naam, en ce qui concerne celui qui m'a écrit en PV, je lui dis que, premièrement, il faut bien faire attention. Quand on veut se marier, il faut toujours, toujours essayer de passer par le tuteur. Quand on connaît quelqu'un ou là, si une femme connaît un homme ou là, directement elle passe par le tuteur. Directement, elle dit à la personne, contactez mon tuteur. Voilà mon tuteur. Et inshallah ta'ala, après on parlera. Naam. Et deuxièmement, en ce qui concerne quelque chose qu'on a déjà, naam, qu'on a déjà, un cadeau qu'on a, etc. Naam. Cette chose-là, si on peut s'en débarrasser, c'est mieux. Si on peut s'en débarrasser, c'est mieux. Naam. Quant à l'aquarium, il n'est pas interdit d'avoir un aquarium dans la maison avec un poisson. Il n'est pas interdit d'avoir dans la maison un aquarium avec un poisson, comme il n'est pas interdit d'avoir une cage avec un perroquet. Comme il n'est pas interdit d'avoir une cage avec un perroquet, bi'idhni azza wa jalla. Je dis que pour le cadeau, si on veut s'en débarrasser, c'est juste, yani, comme on dit, wara, wara. Yani, ce n'est pas vraiment, vraiment obligatoire. Et c'est juste pour s'éloigner, yani, d'une chose qu'on n'a pas eue en licite. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Tayyib, Umnaila a dit, l'autre fois, j'ai posé une question à propos du hadith qui dit que la fin du monde n'arrivera que vendredi. J'avais demandé comment on pouvait savoir, puisqu'on ne connaît pas l'avenir. Vous m'avez répondu qu'en effet, on ne connaît pas l'avenir, puisqu'on ne sait pas quel vendredi sera la semaine, etc. Naam. Mais je ne comprends pas. Car on sait que ça tombera un vendredi. Donc on sait que ce ne sera pas demain, par exemple. Voilà ce que je ne comprends pas. Pouvez-vous m'éclairer qu'Allah vous récompense? Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. La fin du monde ne viendra pas comme ça brusquement. Umnayla. Elle sera suivie par beaucoup, beaucoup de signes. et beaucoup de souffrances, et beaucoup de châtiments, et beaucoup de fitna, et beaucoup de problèmes, et beaucoup de mashakil. Maintenant, quand c'est presque la fin du monde, et les grandes fitna ont commencé, et les grands signes, etc., chaque vendredi, on espère que c'est, yani, ou bien on a peur que ce soit ce vendredi, ou bien on espère que ce sera le vendredi prochain pour yani, s'en débarrasser. Tellement ça sera difficile à la fin du monde. Naam. Mais ce sera un vendredi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai dit, la fin du monde, elle sera tellement précédée de fitna et de problèmes que les gens n'auront même pas le temps à penser. Est-ce que, bon, classe, il ne faut pas avoir peur. C'est vendredi prochain. N'ayez pas peur. Naam, ça c'est impossible. Les gens sont tellement occupés par les fitna, etc., qu'ils ne pensent pas à cette chose. Mais yani, leurs cerveaux ne seront pas avec eux, tellement il y aura les fitna. C'est un peu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que le jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah, on viendra vers Allah, hommes et femmes nus. Alors Aïcha radiallahu ta'ala s'est étonnée. Ya Rasulallah, on viendra nus. Donc, on se verra, on verra la awra. Qu'a répondu le prophète alayhi wa sallam? Il a répondu, l'amru ashad min dalik. Yani, on n'a pas le temps de penser à la awra, etc. ce jour-là. Tellement c'est grave, tellement nos cœurs ne sont pas avec nous, tellement notre conscience n'est pas avec nous. La même chose, la fin du monde, yani, on est tellement occupé par les fitna, etc., que on pense, yani, à autre chose, et ça viendra le vendredi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umnayla, c'est tout ce que je peux te dire bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Si j'avais autre chose, je te l'aurais dit, inshallah ta'ala. Naam. Mais quoi? Qu'est-ce qui arrivera vendredi? Tout sera terminé. Le vendredi de la fin du monde, tout sera terminé. Naam. Le vendredi de la fin du monde, le ciel va s'ouvrir. Enfin, le ciel va s'ouvrir, on voit les anges descendre. Yani, ce sera la fin du monde. La mer va être enflammée. La mer va couvrir le monde. Il y a un grand tremblement de terre. Tout va se terminer. Le monde va être anéanti. Il n'y aura plus ce monde. Il sera anéanti. Voilà ce qui va se passer ce vendredi-là, le grave. Et tout le monde va mourir ce jour-là. Toute créature qui est vivante mourra ce jour-là. Naam. والله سبحانه وتعالى أعلم. Umnayla, il est loin, inshallah, il est loin. Essaye seulement de penser au jour où on va mourir, nous. Naam, j'avais pas compris. Alhamdulillah. Alhamdulillah, que c'est clair. Alhamdulillah. Sami, tafadhal. Fiki barakallah. Sami, tafadhal. Tayyib, Sami n'est pas là. Sami ibn Ali. Idan ta moujoud, inshallah, oktub raqm wahid. سامي إذا أنت موجود اكتب رقم واحد لا توم تفضل جوك سامي نيبا لا جوك سي لو تون دو لا بريير ان فرانس والله اعلم لا توم أنت موجود لا توم نعم ام عبد الله بارك الله فيك 1h du matin 9 minutes moi j'ai 11 minutes السلام عليكم وعليكم السلام est-ce que vrai que faire salat sans chechia est un acte détestable auprès d'Allah Ta'ala? Non. Si c'est vrai, pourriez-vous... Ah, Salat al-Isha? Non. C'est Salat al-Isha en France. Subhanallah al-Azim. Salat al-Isha, on l'a fait chez nous à combien? À 8h... À 8h10. C'est-à-dire 20h10. Et il est chez moi 1h10, ça veut dire 8, 9, 10, 11, 12, 1. Salat al-Isha, on l'a fait il y a 5h, subhanallah al-Azim. 5h exactement. Tayyib, la tombe, tu n'as pas terminé ta question. Pourriez-vous? Je peux te donner un délil? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, écrit numéro 1, c'est tout. Pourriez-vous quoi? Nous donner un délil? Si c'est oui, écrit numéro 1. La tombe, est-ce que tu es avec nous? Naam. Le fait de faire la prière. Je n'arrive pas à écrire. Bon, la question, je la vois. La question, je la vois. Est-ce que le fait de faire salat sans chéchia est un acte détestable, yani makrouh, auprès d'Allah Ta'ala? Si c'est vrai, pouviez-vous, yani pourriez-vous nous donner un dédil? Si c'est ça la question, khlas, je l'ai comprise. Tayyib la tombe, je peux répondre? Non. Faire nasiha à mon mari. Naam. Naam. Écrit numéro 1 sur terminé. Faire nasiha à mon mari car il trouve pas que c'est que ça soit quelque chose d'important. Vu que c'est pas haram. Naam, écrit numéro 1 sur terminé. Et une autre question vite fait. Naam, normalement. Sur combien apprend une ligne sans négliger mes besoins? Pouvez-vous me conseiller sur combien apprend mon ligne sans négliger mes obligations, mes enfants? J'ai pas compris la deuxième question. Pouvez-vous me conseiller sur combien j'apprends mon ligne sans négliger mes besoins? Je n'ai pas compris que ça veut dire sur combien. Non, je n'ai pas compris que ça veut dire sur combien. Alhamdoulilah, aujourd'hui je me suis pas déconnecté. Alhamdoulilah. Pourvu que ça dure, il reste un quart d'heure. Tayyib, je réponds inchallah à la première question. Comment votre femme fait-elle pour apprendre en même temps s'occuper de vous, de vos enfants, des tâches ménagères, comment faire? Tayyib, je commence par la deuxième question. Je commence par la deuxième question. Il faut dire et reconnaître. Il faut dire et reconnaître que quand la sœur se marie, elle commence à diminuer le fait de demander de la science. Naam, c'est difficile, il faut dire la vérité. Dès qu'une sœur se marie, ça commence à devenir difficile pour elle. Naam. À moins que, après, Inch'Allah Ta'ala, Naam. Après, elle commence, yani, à bien s'organiser pour revenir à demander la science, Inch'Allah Ta'ala. Naam. J'ai dit donc c'est assez difficile. Il faut quoi? Il faut s'obliger. S'obliger à s'organiser. Naam. À dire par exemple, j'ai le cours à telle heure. Naam. Il faut donc, avant telle heure, que, classe, j'ai terminé à donner à manger aux enfants, j'ai terminé à faire dormir le bébé et voilà, je dois être à l'heure du cours, par exemple. Naam, si on fait pas comme ça, on peut pas. Naam, après le mariage et après avoir eu des enfants, c'est vraiment difficile. Naam, c'est pour ça que il faut s'auto-organiser. Il faut dire, il faut que je m'organise. Tu dis par exemple à quelle heure c'est le cours que j'ai et tu commences à te préparer pour que rien ne t'entrave, pour que rien ne t'empêche quand il y a le cours. Il faut te préparer à l'avance. Naam. Ce n'est pas commencer le cours, ensuite dire, attends, j'ai oublié de préparer le manger. J'ai oublié de laver les vêtements. J'ai oublié de je ne sais pas quoi. Il faut avoir un calendrier comme ça écrit sur le mur de la chambre. Tel jour le cours à 18h, tel jour le cours à 20h. Donc je me prépare bien pour que, Inch'Allah Ta'ala, je gagne les deux. Les premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne la salat, il est makruh à l'homme qu'il fasse la salat avec les cheveux découverts. C'est-à-dire que s'il l'a fait avec les cheveux découverts, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Mais s'il l'a fait avec une chachia, il a des ajr. Plus de ajr que celui qui l'a fait avec à cheveux ou la tête découverte. Allah Ta'ala dit dans le Coran, prenez votre parure avant chaque salat. Et mettre une chéchia sur la tête, ça rentre dans la parure de la salat. Mais, donc c'est mieux, bien sûr, c'est mieux. Mais attention, là je vais dire quelque chose d'important. Attention, écoutez bien, cette chose qui va venir, c'est important. Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, Cheikh Al-Albani a dit que c'est de la bid'a le fait de mettre la chéchia seulement dans la salat. Il a dit certains gens, ils ne mettent jamais la chéchia et juste quand vient le moment de la salat, il l'a fait sortir de sa poche, il l'a mis sur sa tête. Il a dit ça rentre dans la bid'a. La chéchia, tu la mets tout le temps, dans le travail, dans le bus et dans la salat. Ou bien tu l'enlèves tout le temps. Ce n'est pas spécialement le moment de la salat, tu la mets sur la tête. Naam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. طيب on passe à Abu Maryam inshallah ta'ala. Sami n'est pas là, je l'enlève. La tombe inshallah ta'ala, on a terminé. طيب Abu Maryam tafadhal. Assalamu alaykum, alaykum salam. Est-ce que j'ai le droit de demander à ma femme de remettre une amana à une fiancée d'un frère qu'il a connu loin du Shara? Shara, j'ai pas compris. Et qui va l'aider à s'installer en Suède et peut-être divorcer sa femme au bled et délaisser ses enfants. Ma femme refuse de m'aider avant de connaître votre avis. Tayeb, il faut que je comprenne bien. Est-ce que j'ai le droit de demander à ma femme de remettre une amana à une fiancée d'un frère qu'il a connu loin du Shara? Naam, maintenant je comprends. Loin du Shara. Et qui va l'aider à s'installer en Suède et peut-être divorcer sa femme au bled et délaisser ses enfants. Ma femme refuse de m'aider avant de connaître votre avis. Naam, je dis à ta femme, si elle est en train de m'écouter, de te désobéir. De te désobéir et de ne pas accepter. Ne pas accepter, naam, d'aider, je ne sais pas qui, à aller s'installer en Suède. Naam, à aller s'installer en Suède, masha'Allah, pour qu'il fasse, je ne sais pas, tous les péchés du monde là-bas et qu'il meure jusqu'à ce qu'il meure là-bas. Naam, on n'aide pas quelqu'un dans quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. On ne l'aide ni de loin ni de près. C'est pour ça que vous qui êtes en Europe, vous ne devez jamais aider quelqu'un à venir s'installer en Europe, par exemple. Jamais. Naam. Vous lui dites, si vous voulez, je vous aide, je vous donne un peu d'argent pour que vous alliez, inshallah, en Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas pour que vous veniez en Europe. Nous, on voudrait sortir. Comment se fait-il qu'on vous fasse venir? Naam. Il est ingénieur au bled. Il reste au bled. Il reste en Kabylie. Tu lui dis de manger les figues. Il va manger les figues avec l'huile d'olive. Il va manger les figues et les olives et l'huile d'olive. Tu lui dis, tu restes là-bas au bled. Tu ne pars pas au Suède. La Suède, c'est pour Jacqueline et Marie-Pierre. C'est pas pour lui. Lui, il reste au bled là-bas. Il mange les figues. Dis-lui, le cheikh t'a dit de manger les figues, inshallah ta'ala. Naam. أم عيسى تفضلي فيك بارك الله أبو مريم. طيب أبو مريم موجود إن شاء الله موجود. بون سي با أبو مريم أبو مريم تيرمين. أم عيسى باردون. أم عيسى تو إلى إن شاء الله تعالى تو نو في سين. سبحان الله une sœur m'a dit que les kuffars peuvent entrer dans notre mosquée. نعم. Mais dans nos salles, mais pas dans nos salles de prière. Les femmes ont fait un comité. Elles veulent faire notre mosquée une mosquée ouverte à tous, c'est-à-dire aux musulmans et aux non-musulmans. Barakallahu fik, je me renseigner, excusez-moi pour la longueur de ma question. Naam, la question n'était pas longue. Naam, dans la question, on a oublié seulement de la commencer par salam alaykoum. On a oublié la question de la commencer par salam alaykoum. Mais ce n'est pas grave, inshallah ta'ala. Le kafir, il ne lui est pas interdit de rentrer dans la mosquée. Le kafir, il ne lui est pas interdit de rentrer dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé des kuffars passer des nuits, pas une nuit, des nuits dans sa mosquée. Et beaucoup d'eux sont rentrés en islam, bien sûr. Beaucoup d'eux sont rentrés en islam, bien sûr. Assalamu alaikum. Puisse Allah vous préserver, cher. Ma question est la suivante. Je voulais savoir. Barakallahu fikum, Isa. Donc, il y a eu un malentendu, c'est tout. Taïb. Quels sont les murs de la mosquée avec notre mosquée? Grande, machin. Il y a une grande entrée, une cour avec des salles de classe pour les cours d'arabe, pour les hommes, pour les étudiants. Naam. Je disais que le kafir, il lui est permis de rentrer dans la mosquée. Pourquoi? Parce que peut-être que, en voyant la mosquée ou bien en voyant les gens prier ou bien